Merci pour cette soirée. On va encore passer une pure soirée, une pure semaine avec vous. On va vous filer en quart lundi soir, dès 20h. On va passer un bon week-end. Tu vas faire quoi, Doc? C'est tellement banal, travailler, mais bon. Bravo, Doc. Karima, tu fais quoi, toi, ce week-end? Moi aussi. Il y a que moi qui vais jouer à la console. Il me croit pas, Mickaël. Qu'est-ce qu'il y a, Mickaël? Non, le Doc, il dit, mais je vais travailler. Oui. Il arrête pas de bosser, Mickaël. Oui. J'ai une nouvelle artiste à te présenter. J'ai entendu tout à l'heure. Quel grand talent, quel organe. Ah, tu as entendu ça? Oh là là. Il a pas fait le même compliment pour toi hier. Non, t'as remarqué aussi. Il a quand même dit que t'avais pas de talent du tout. Ah oui, c'est vrai. En revanche, pour Karima. Mais il y a du second degré là-dessous, hein. Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Je comprends qu'il trouve que Karima ait beaucoup de talent. Moi, je vous propose un nouvel extrait de Karima Larousseau. Mais lâche-moi. Allons-y. C'est très bien. Pourquoi tu te moques d'elle? Pas te moquer d'elle. Mignonne, c'est génial. C'est bien, bravo. Oh, c'est dur. Non, non, non, c'est bon. Parce que sinon, vous pouvez vous tenir la main avec Sandro. Sandro. Ah ouais, ça c'est. Mais c'est bien parce que bon après c'est technique, mais ça fait quota aussi si tu mets ça avant 10h30. Oui, mais carrément. Et je sens le duo avec Sandro alors. Oui, c'est parti. Là. Je ferai les cœurs derrière. Et on travaille ça dès lundi soir, le duo en direct. Je me déteste. À 23h, à 23h55, on fera le duo, d'accord? Pour une fois, je ne vais pas attendre que le week-end passe vite. ce serait mieux que je danse plutôt derrière. Hein. Ouais, bah oui. Ne me donnez pas de micro. Non, mais attendez, il peut y avoir pire un duo entre Karel et moi. Et là, ça serait désastreux pour l'industrie française. Bah, le but, c'est le Lovin' Fun, c'est une nouvelle émission, c'est de la faire monter. Hein, si vous mettez une bombe dessus, ça sert à rien. C'est, par ça. Contre, c'est une émission de chanson en fait. Bon, allez, profitez du week-end pour vous améliorer. Hein. Ça roule. Allez, bisous à tous. Bon week-end. Allez, c'est parti jusqu'à minuit sur Fun. Bienvenue. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, Nos Limites. On Fun Radio. Alors, ça s'entend pas comme ça, première écoute, mais je n'ai plus de voix. Ah ? Mais vraiment comme ça, non, parce que là ça va. Mais il y a un moment, je crains que je ne tienne pas jusqu'à 2h. Mais si, ça tu vas tenir. Bah écoute, je sais pas, mais tout à l'heure, là, en fait, si vous voulez, quand j'essaie de faire des petites périodes aiguës, c'est difficile, quoi. Genre, par exemple, si je fais. Tu vois ? Quelle horreur. Ouais, je sais, c'est le début des emmerdes, je pense. Tu es en train de muer. Ça va plus. Nickel, j'ai 12 ans. Salut, ça va? J'espère que vous allez bien. Non, vous n'êtes pas trompé de radio, rassurez-vous, vous êtes sur Fun Radio tous les soirs. On est là 23h, 2h ce soir, 3h de malade encore qui vont passer très vite à mon avis. Hein. Si vous ne me connaissez pas, donc c'est Mickaël, hein, tant que j'ai encore de la voix, comme je le disais. On se retrouve évidemment tous les jours du lundi au jeudi de 23h à 2h et le dimanche également 20h minuit pour venir parler avec moi. Eh bien vous faites le 01 42 48 5000 ou même le 02 851 4x0 pour la Belgique. Et vous faites par exemple comme Jérémy qui est avec nous maintenant. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Mickaël, ça va? Ben ça va, bah écoute, ça va, hein, j'ai connu des moments où j'avais un petit peu plus de voix, mais pour l'instant tout va bien. Si elle peut partir à 2h01, ça m'arrange. Pas avant quoi, mais bon, petite extinction de voix, qu'est-ce que tu veux, ça arrive même au meilleur. Bon, dis donc, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui toi, tu nous appelles pourquoi? Je vous appelle parce que j'ai des petits tocs, enfin des petits problèmes un peu spéciaux, c'est un peu compliqué et mon coloc est aussi un peu chelou comme moi, donc je vous appelle pour en parler un petit peu. Bon, bah écoute, on va en parler dans un instant justement, bouge pas de là, t'as déjà eu des extinctions de voix? Moi jamais. Parfait. Bon, bah, tu vas pas pouvoir m'aider, donc c'est dommage. Si vous avez des conseils pour les extinctions de voix, genre avec le matériel qu'on a à la radio, on a une machine à café, une machine à thé, une machine à chocolat chaud et une machine à soupe, je pense. Faut que tu prennes du miel. Non mais c'est ce que je dis avec le matériel qu'il y a à la radio. Il y a pas des trucs au miel. On a des abeilles là qui prennent. Ah oui, c'est vrai. Et il y a la cantine aussi, il doit avoir du miel. Oui, mais elle est fermée à cette heure-ci, si tu veux. Attends, on va voir si éventuellement il y a pas une. Non, il y a pas malheureusement. C'est dommage. Je pensais qu'on avait une petite abeille qui pouvait venir. Éventuellement. C'est dommage, on n'en a pas. Si vous avez une abeille éventuellement ou que vous avez en élevage, n'hésitez pas, amenez-la moi pour que je puisse éventuellement faire un petit peu de miel. Elle vient nous chier dans la gorge. Voilà, exactement. Bon, Sandro, t'as conclu hier avec Reda, là, l'auditeur qui est passé? Bah non, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Bah, je vous ai dit, il y avait un problème d'âge. Mais il n'y a rien, c'est dans ta tête, les problèmes d'âge. Oui, là. Mais oh je là suis là concentrée là. Sur un autre mâle en ce moment. Ah bah, l'autre chose maintenant, un autre mâle. Et après, on dit que c'est nous qui parlons des filles comme si c'était des bestioles. Hein. Regarde là, un autre mâle. Bon, du coup, Toff n'a pas pu vous faire un petit tour en mobilette. Ben oui, et c'est bien dommage. Et Pipolo qui voulait même faire un petit peu de pipo là. Excuse-moi Polo de parler pendant que tu fais du pipo. Hein. C'est pas grave, t'as voilà, bon. Et puis n'oubliez pas aussi que chaque soir vous pouvez devenir le top tweetos. Alors est-ce que vous êtes prêts? Ouais. C'est parti, allez, top tweetos maintenant. Je vous rappelle le principe. Vous mettez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël sur Twitter, bien entendu. Et puis à la fin de l'émission, on pourra vérifier, grâce à un petit programme informatique qui nous a coûté $30, quel est le top tweetos. Voilà, lequel d'entre vous est le meilleur auditeur et l'auditeur le plus influent sur le Twitter. T'as Twitter, toi, ou pas, Jérém? Ouais, j'ai Twitter, ouais. Ah, tu as déjà followé Mickaël officiel? Exactement, et tu m'as followé en retour. Eh ben normal, c'est ce que je dis. Si vous me faites un follow, moi aussi je vous followerai. Donc vous tapez Mickaël officiel évidemment sur le Twitter de l'émission. Et puis, puis voilà, on se suit comme ça tout simplement. Bon, il y a du son aussi ce soir là. Tu me diras, Jérém, s'il y a des sons que t'aimes plus qu'un autre, hein, écoute ça. Martin Garrix, en préparation Animals. T'aimes bien? Ouais, elle est charmée celle-là. Très bien, alors je te cale aussi le nouveau Global DJs avec Kids. Celui-là il est juste énorme aussi. Voilà, nouveau Global DJ, ce qu'on passera tout à l'heure sur Fun Radio. Il y a un son comme ça que t'as envie d'écouter là ou pas? Là, à première vue, non, celui-là je le connais pas, il a l'air d'être très bien. Bah écoute, tu vas le découvrir, hein, comme tous les autres. D'ailleurs, avant minuit, je vous le cale, Global DJs avec Kids. Et puis bah Martin Garrix, et bien entendu, côté cadeau. Est-ce que t'as une console, Jérém? J'ai une PS3. PS3, donc tu as déjà GTA 5 ou pas encore? Non, pas du tout. Ah, c'est dommage. Bon, bah écoute, on en a à offrir aussi hein, sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Vous allez faire votre like sur la photo. Et puis, si vous êtes tir au sort, eh ben, je vous offre tout simplement votre GTA 5 sur PS3 ou sur Xbox. Voilà. Tu joues à GTA ou c'est pas ton style de jeu? GTA Stiff, mais j'ai depuis Vice City, donc à l'ancienne, j'ai pas joué à GTA. Ah ouais, d'accord, ok, donc toi t'es effectivement bien à la bourre, hein. C'est une chose qui arrive, hein. Bon, ben voilà, comme ça vous avez le programme de la soirée. On a aussi évidemment les derniers jeux Godens à vous offrir. Et ce soir, promis, Sandro et Tov vont se faire un battle sur Godens. Mais je vais la déglinguer. On verra. Godens, c'est un jeu où vous devez vous mettre, genre par exemple, devant un iPad ou devant un iPhone, c'est pas facile, mais bon, bref, devant une tablette en l'occurrence. Et donc, bah, vous devez danser. La tablette vous filme et elle vous dit si vous dansez correctement ou pas. Donc, on vous offre ça tout à l'heure avec un iPad ou avec une PS3. Ce sera dans la colle. Bon, et nous avons donc Jérém. Alors parlons des tocs justement. Jérém, comme on a un petit peu de temps maintenant là, quel était ton toc là? Tu voulais nous en parler plus en détail, donc sois le bienvenu et puis on t'écoute surtout. Alors mon toc il est un peu spécial, c'est-à-dire que dès que je vais aux toilettes, donc pour faire la grosse commission, ouais, je suis obligé de me doucher et de changer de slip après. Oh la bête. C'est incroyable ça quand même. Donc ouais, c'est un peu mon problème. Donc ça veut dire si je vais trois fois dans la journée, bah trois fois dans la journée non seulement je me douche mais je change de slip. Donc j'ai à peu près une quarantaine de slips chez moi quoi. Putain mais c'est original ça quand même. Mais heureusement pour toi tu vas pas chier trois fois par jour. Ah bah heureusement ouais. Non mais c'est surtout quand tu vas bouffer au resto ou n'importe quoi, t'es obligé d'avoir tes slips dans un sac ou dans la poche. Non, mais il faut que je rentre chez moi, sinon je suis mal à l'aise, sinon je peux pas être bien quoi. Mais t'as peur de quoi dans l'absolu? Je sais que c'est un toc et que c'est pas facile de se rendre compte un peu de tout ça, mais t'as peur de quoi? Mais c'est la saleté. Ouais non mais d'accord, mais parce que alors juste ça va pas être classe ce que je vais dire, je vous préviens. Soyez mais, crado. Non mais voilà, mais c'est juste que une fois que tu t'es torché le cul, c'est enfin avec un propre ou un ancien slip, ça revient au même. Bah non, je sais pas, c'est un peu bizarre, le PQ c'est pas hygiénique, je sais pas, c'est t'étales plus que tu nettoies, donc pour moi il faut ça que dépend, je prenne une ouais, non, alors d'accord, ok, ça dépend si tu vas te torcher le fion dans des stations-service où effectivement le PQ ressemble à du papier plastique, là d'accord, là, non mais c'est, attends, il y en a, tu vas dans les toilettes, le truc c'est on dirait du plastique, c'est un truc de fou, non mais ça chez moi, du papier de verre, on dirait. Exact, il y a ça souvent pour le coup, parce que bah forcément, chez moi au Portugal, tu vas souvent dans des bars, autre, tu sais, pour faire moins cher, c'est des espèces de papier mais en plastique. Alors bonne chance, hein, mec. Ça, putain, je peux te dire que ça, c'est un truc que je sais pas faire, moi, aller chier dans les bars, dans les trucs. Moi, c'est, je chie à la maison et c'est tout. Hein. Oui, et si t'es pas à la maison et que tu dois absolument, il se chie dans le falzar, comme j'ai raconté une fois. Ah, évidemment. Non, mais regarde, par exemple, pour chier ici à la radio, il m'a fallu un temps d'adaptation, quoi. Mais toi, t'as un problème dans ta tête aussi, t'as un toc. Hein. C'est comme Jérém au final. J'avais le même souci et du coup, avec Toff, on se retrouvait souvent à Énergie le soir. Oh là là, mais oui, n'importe quoi. C'est vraiment, voilà, c'est les deux fois où j'y suis allé à la radio, j'ai dû me faire violence, quoi. C'est parce que je pouvais pas faire autrement. J'ai dû me faire violence. Moi, j'ai un problème avec le logo de la radio. On arrive toujours et en fait, il descend. Il y a un logo qui est collé sur une fenêtre et il est toujours au travers. Chaque fois le soir, je dois le remettre droit. Ça, c'est un truc. Il faut que le logo soit droit. J'aime pas quand les trucs sont de travers. Alors, c'est vrai. Peut-être que je devrais aller voir un psy. Finalement, tu vois, t'es pas le seul, Jérém. Hein. Je sais pas ce qui est le plus grave. Ça me rassure. Remettre un logo qui tombe tout le temps ou pas avoir envie de chier dans des chiottes que tu connais pas. Bah écoute, je sais pas, mais on va en parler dans un instant. Ne bouge pas de là, Jérém, d'accord? Ok, ça marche. Allez, bouge pas. Si vous aussi vous avez des tocs, là, venez, on va en parler ce soir. Là, n'hésitez pas. Il y a Kikiria sur le Twitter qui dit: moi perso, je prends des pastilles à la menthe quand j'ai des extinctions de voix. C'est une idée, mais j'en ai pas sous la main malheureusement. Il y a Jules qui dit: hors de question que tu perds ta voix avant la fin de l'émission, Mickaël. Je vais pas dormir sinon. Non, mais t'inquiète, hein, on va quand même rester là. Il y a Jessica aussi qui dit: extinction de voix. Tu prends du sirop d'homme, il y a pas mieux. C'est quoi ça, du sirop d'homme? Tu veux que je te montre? Ah ouais, d'accord, ok, non, ça ira. Merci, Jessica. Il y a Mickaël qui dit: mon toc, c'est de répéter plusieurs fois la même chose. Il y a quoi aussi? Justine qui dit: j'ai déjà eu plusieurs extinctions de voix, j'ai pris du lait chaud avec du miel ou juste du lait chaud, ça ira mieux. C'est une idée, j'essaie avec le café parce qu'il y a que ça à la radio. Alexandre qui dit: pour les extinctions de voix, ça sent pire si tu parles, ce qui est très pratique quand tu fais de la radio. Bon, ben bah, j'arrête alors. Mais on sent que ça va de pire en pire, oui, on a voilà. Commencé depuis 9 minutes, donc tu vois un petit peu le problème. Hein. Bon, on va être bien là dans une heure. Voilà, ça devrait bien se passer, ça devrait bien se passer. Bon, on va se faire aussi la colle maintenant avec Julien qui est avec nous. Bonsoir Julien. Allô. Ah, allô. Ça va Julien? Ça va, impeccable. Eh ben tant mieux, t'appelles de Cannes, toi, Côte d'Azur, ça va, le soleil brille, j'ai vu, hein, ouais, tranquille. Côte d'Azur. Hein. Bien mis ça là. Va, hein. Nickel, nickel. Sans blague. Bon, alors Julien, il y a le dernier iPad ou la dernière PS3 avec le jeu Godens à gagner ce soir. Ce sera peut-être pour toi, mais... je te le souhaite. Pour que ce soit pour toi, il va falloir évidemment jouer et poser une colle que les auditeurs devront trouver. S'ils trouvent la bonne réponse, tu perds. Enfin, si on a celui qu'on a sélectionné, qui passe à l'antenne, et s'il a la bonne réponse, tu perds. S'il ne décroche pas ou qu'il a la mauvaise réponse, tu gagnes. Espérons qu'il répond pas. Eh ben, écoute, on espère, on verra bien. Enfin, on espère pour toi. On y va, Julien, quelle est la colle de ce soir? Alors, la question de ce soir, c'est: qu'est-ce qu'un confetti qui bande? Quoi? Qu'est-ce qu'un confetti qui bande? Qu'est-ce qu'un confetti qui bande? Un confetti, on est d'accord, c'est les petits trucs en... Ouais, c'est des trucs genre Nouvel An, c'est morceaux de papier, petits, les tout petits voilà, machins là. C'est ce qu'il y a à Carnaval, quoi. Qu'est-ce qu'un confetti qui bande? Bande. Qu'est-ce à que vous de trouver. Oui, bah oui, ça j'imagine bien, mais... bon, ok, d'accord. Du coup, j'ai pas trop d'idées là, comme ça. Mais si vous avez l'idée, vous, hein, n'hésitez pas. Je rappelle qu'il y a une PS3 ou un iPad, c'est vous qui choisirez. Et le jeu Godens qu'on vous offre depuis le début de la semaine, le nouveau jeu Sega, qu'on vous offre sur Fun Radio depuis même dimanche soir. Bon, qu'est-ce qu'un confetti qui bande? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique. Hein, comme ça, vous connaissez le principe. Le numéro pour la France, 64 900. Le numéro pour la Belgique, 63 22. Et vous envoyez Mickaël avec la réponse: qu'est-ce qu'un confetti qui bande? En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Bon, eh ben écoute, Julien, on va te reprendre d'ici un quart d'heure, 20 minutes pour répéter la colle et puis la réponse avant minuit. Je peux juste te poser une question, Mickaël? Vas-y. Je peux faire une petite dédicace avant que mes collègues aillent dormir? Allez, vas-y, à une personne. Hein. Une personne. Ah oui, il faut choisir la bonne. Ouais. Tu peux faire un groupe, mais tu peux pas les citer. Félicitations à tous mes collègues du CCAS. Voilà, c'est ça. Tu n'avais pas pris le risque, c'est bien. Bon, ben, il n'y a pas de problème, Julia. Bon, on te récupère tout à l'heure, voilà. D'accord? Allez, salut, à tout de suite, Julien. Et puis on va parler encore des tocs dans un instant sur Fun Radio. Il y a des messages aussi qui arrivent. Il y a Missy Zibo qui dit: je suis comme Mickaël, dès qu'il y a un truc de travers, je suis obligé de le remettre droit ou aligné quand ça ne l'est pas. Ah oui, je déteste quand c'est pas grave, quand c'est pas mis droit. Il y a Kikiria aussi qui dit: mon toc, c'est que je me lave souvent les mains. Bon, c'est un toc, mais c'est pas plus mal non plus. Hein. Colin qui dit: avec mes potes, la règle d'or, c'est de ne jamais aller chier au lycée, collège, gymnase, etc., etc. Et puis Cédric aussi sur le Twitter qui dit: salut l'équipe, encore une soirée de ouf à vous écouter. Vive pause caca et le prout. Évidemment, bien entendu, nous celui-là. Ah, il est là, oula. Voilà, parfait. Bon, tous vos messages en direct, vous n'hésitez pas à vous balancer tout ça, bien sûr. Et puis ce soir, je vous le rappelle également qu'on écoutera encore l'appel d'hier de Toff, hein, qui était... exceptionnel. Qui était exceptionnel, puisque nous sommes tombés sur quelqu'un de très gentil. Toi, fils de pute, d'enculé de ta grand-mère. Oui, très très très très aimable. D'enculé ta mère, fils de pute. Voilà. Va te faire enculer, salope. Voilà, c'est-à-dire vraiment, vraiment la gentillesse même. Comme ta gueule, gros bâtard. Voilà, c'était sa femme. C'était madame, oui. Donc ça, c'est madame. Ferme ta gueule, gros bâtard. Madame, voilà. Gros bâtard. Et puis après, on est tombé sur monsieur. Toi, fils de pute, d'enculé de ta grand-mère. Voilà, c'est-à-dire que je n'ai jamais entendu une phrase avec autant d'insultes les unes derrière les autres. Ensuite, peut-être dans la bouche de Toff. Non, c'est pas vrai. Si, si. T'enculé ta mère, fils de pute. Voilà, ça va être. Va te faire enculer, salope. Très bien. Donc on fera de nouveaux appels dans quelques instants, hein, évidemment, n'hésitez pas. Si vous avez d'ailleurs des idées de conneries qu'on peut faire en appelant les gens et des numéros de personnes encore debout à cette heure-ci, vous n'hésitez pas, bien sûr, vous nous faites un petit appel, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Allez, on parle des tocs dans un instant, vous nous appelez et puis on va s'écouter le son de Martin Garrix sur Fun Radio avec Animals. Bienvenue si vous venez de débarquer. C'est Mickaël, No Limit, on est au cœur d'une heure sans pub, une heure sans pub où vous allez pouvoir venir prendre le contrôle. Venez, n'hésitez pas, 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. C'est Martin Garrix qu'on écoute maintenant. C'est Animals sur Fun. Bonne soirée. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Bah oui, effectivement, on est là tous les soirs sur Fun Radio avec bah profitez, hein, la voix peut s'arrêter à tout moment, on verra bien quand, mais ça devrait bien se passer, hein? Enfin, non, j'espère. On a pas le choix. Bah oui, c'est ça. Bon, on est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio et dans un instant, je vous cale aussi à Need Your Love, sera dans moins d'un quart d'heure sur Fun Radio, Calvin Harris. Et avant minuit, Global DJs le nouveau. Et ce sera Kids sur Fun Radio. Et si vous voulez choisir vos titres, hein, vous faites comme Jérém, vous n'hésitez pas évidemment. Vous envoyez le hashtag Mickaël avec le titre que vous voulez écouter tout à l'heure. N'hésitez pas. Et si je vois ça, il n'y a pas de problème. Je vous les passerai avec grand plaisir. Global DJs avec Kids, ça va arriver dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis plein de messages aussi qui arrivent avec Rafa qui dit moi j'ai pas de toc je crois. Bah écoute, j'ai envie de dire tant mieux. Dames qui dit mon toc c'est que je suis toujours obligé de me recoiffer. Ah et moi j'ai un truc. Alors je sais pas si c'est un toc ou si c'est con, mais par exemple je fais toujours la course avec le GPS. Enfin pas la course dans le sens où, où j'essaie d'arriver avant lui forcément. Mais par exemple si je mets le GPS, bon je vais d'un endroit A à un endroit B, ouais. Le GPS me dit bah voilà vous arrivez à minuit 20. Mm-hmm. Ben, à partir du moment où je vais peut-être un petit peu plus vite, éventuellement ça diminue dans le timing. Mais par exemple si quelqu'un est à côté de moi qui me dit on peut s'arrêter à la station si je dois aller au pisser, ça va me rendre dingue. Je déteste m'arrêter. Du coup, je perds du temps et donc le GPS du coup retarde. C'est un toc. Voilà. Donc si je me rends compte que j'arrive à minuit 15 parce que j'ai gagné 5 minutes sur toute la route, si je dois m'arrêter pour un truc, ça va me faire chier. Parfois, j'ai envie de bouffer un truc et je vais me dire ah bah tiens, j'ai 3 heures de route là, je vais m'arrêter. Bah non, je continue pour pas rater, pour pas. Alors que j'irai qu'il m'attend de spécial. Hein. Ah, mais, oula, vous entendez un peu le bordel non, là. Mais, ça va... mais non, tu veux pas mettre un peu de lance-flamme là-dedans là. Bah écoute, je peux essayer. Attends, je vais essayer. Ah. Ça m'a ah bah nickel. Tu vois. Comme quoi, la réponse à tout c'est le lance. Ouais, le lance là bah toujours réponse à tout. Laurine qui dit autre toc, quand je ferme la porte à clé, je vérifie toujours si elle est bien verrouillée. Mais ça c'est peut-être de la sécurité éventuellement. Mm. Antonio qui dit Mika, pour ton problème de voix, une petite pipe à toff et c'est reparti. Non, est-ce tombé jamais de la vie. Alors je préfère être muet. Et Valentin qui dit moi mon toc c'est que tous les soirs avant de me coucher, je regarde dans les placards et sous le lit pour voir s'il n'y a pas des gens. Oh le pauvre. Ouais, c'est clair. Oh merde, c'est dur ça. Bon bah dites-nous si vous avez des tocs là, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, on en avait parlé, Jérém, t'as écouté l'émission hier ou pas? J'ai écouté vite fait, j'ai pas tout écouté, dire non. J'avais pas pu. Non mais c'est pas grave, non, tu peux dire non, on va pas te raccrocher au nez pour autant. Hein. Voilà, bon, d'accord, j'ai pas trop écouté, c'est vrai. Voilà, il y a pas de problème. Parce que Toff avait fait un appel en fait pour comment dire pour essayer de donner des cours de fellation, voilà, c'était la Pipe School. Voilà, parce qu'il y avait des Russes qui avaient ouvert une école et donc je voulais ouvrir la mienne. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, on avait appelé cette charmante personne qu'on va vous rediffuser l'extrait maintenant tellement il était mythique. Alors écoute bien justement, si tu l'as raté hier soir, ça a donné ça. Voilà, hop. On a redécoupé le moment où on a appelé hier, vous allez voir que c'est juste du caviar. C'est même plus que du caviar. Enfin bref, j'en dis pas plus, écoutez, c'est encore mieux. Oui, allô. Oui, bonsoir madame. Allô. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si votre mari était satisfait des pipes que vous lui faites. Bah, espèce de gros bâtard, ça t'amuse à plaster-ci. Bah, enfin madame, faut pas le prendre sur ce ton-là. Moi, je vous appelle pour vous rendre service. Bah, ferme ta gueule, gros bâtard. Mais enfin madame. Savoir, mon mari est satisfait de ce que je fais, ça te plaît ou non, j'en ai rien à branler, gros bâtard. Fils de pute. Eh, gros mon mari, il est mort. Bah, excusez-moi monsieur, mais est-ce que vous êtes vraiment satisfait de ce qu'elle vous fait avec sa bouche? Eh ta mère, elle est satisfaite, fils de pute, de mourir. Mais je vois pas le rapport monsieur. Non, moi je vois le rapport que je t'encule ta grosse merde. Grosse merde. Tu t'encules ta race? Mais non, monsieur, enfin... Écoute-moi, espèce de branleur, t'es pas content, tu viens sur Lens. Tu veux que je donne mon adresse, tu viens, c'est tout de suite, je t'encule ta mère. Mais en fait, non, mais je ne fais que les cours de fellation, monsieur, parce que moi je... Ouais, je, tu vas faire le cours de ta grand-mère, fils de pute, parce que j'ai t'enculé, moi. Non mais en fait voilà, moi j'ai monté la Pipe School monsieur et je n'apprends qu'à faire des pipes. Toi fils de pute d'enculé de ta grand-mère, t'as vu ton numéro, moi il a été inscrit chez moi. Je te promets, je te dis tout de suite, je m'en vais porter bête sur ta gueule. Mais je vois pas l'intérêt monsieur. Moi, tu vois pas l'intérêt, je vais t'enculer ta mère fils de pute. Moi je t'appelle pour mon service. Vas-y rigole bien espèce d'enculé de ta grand-mère. T'es franc de loin derrière le téléphone, viens. Mais monsieur, moi je veux bien venir, mais je ne viens que pour donner des cours à votre femme pour qu'elle monsieur, vous fasse... Monsieur, je vais t'enculer ta mère, fils de pute, vas-y, arrête, vas-y, va baiser ta grosse mère, On peut venir à deux. On peut venir à deux. Ah, il était magistral, hein. Il était magnifique. T'as vu, Jérém, t'as raté un truc hier, hein. Ouais, j'ai raté un truc. Il est violent quand même, le gars. Ah, il est violent, mais attends, parce qu'on l'a rappelé après. Et tu vas voir. Il était très très sympathique au deuxième appel. Très. Ouais. Nique ta mère. Va te faire enculer, salope. Tu parlais de faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Quoi? Tu me dégoûtes. Et quoi? Tu te mets dans le cul, c'est bon maintenant? Oh, mon petite pute. Tu me dégoûtes. T'es qui, va toi? Va te faire enculer au PD, va. Vas-y, va baiser ta race. J'ai dit ça, mais t'es, je pensais pas vraiment. Ouais, bah attends. Vas-y, t'es qui, toi, déjà? Nique ta mère. T'es qui, toi, déjà, là? Tu parlais de faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Quel Valentin? Va te faire enculer au PD, va. Et qu'est-ce que tu fais, toi, espèce de branleur? Connard. T'es qui, là? T'es qui, la bande de bouffons? Va te faire enculer au PD, va. Branleur, va. Connard. Espèce de tarlouse. Vous êtes franc derrière téléphone, venez, là, en face. Tu te mets dans le cul, c'est bon, maintenant? Ouais, toi, je vais te mettre quelque chose dans le cul, tu vas voir, salope. Connard, va. Bon, t'es qui, là? Tu parlais de faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Lequel de Valentin, espèce de tarlouse? Non, mais calme-toi. Bande de pédales, va. Tu parlais de faire foutre? Ouais, si tu veux. T'es qui toi déjà, espèce de poufiasse? Six ma bite. Ah ouais, t'en as, c'est bien. Tu parlais de faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Il a mis le temps hier, hein. Il a mis le temps à se rendre compte qu'on se foutait de sa gueule quand même. Il a quand même mis une minute avant de se dire tiens, c'est marrant, c'est toujours les mêmes phrases, c'est bizarre. Bon, on fera d'autres appels tout à l'heure, hein. Ça c'était hier là pour ceux qui ont raté l'émission, là vous avez raté les trucs. La preuve, Jérémy qui regrette de ne pas avoir écouté hier. D'accord, je regrette. Eh ben voilà, ouais. Eh ben voilà. Bon, Jérém qui nous avait appelé pour parler des tocs, et il y a Nicolas également de Royan là. Salut Nicolas. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, ben, soyez les bienvenus tous les deux, sois le bienvenu également Nicolas. Alors, ouais. Qu'est-ce que t'as comme toc toi Nico, dis-moi? Moi en fait, c'est toujours de me gratter la bite en fait. Mais pourquoi? Bah, je sais pas, c'est toujours comme ça depuis tout petit et tout, et puis là, chaque fois, des fois, putain, je fais mal ou hein, bah en fait, il est dans ma vie, et puis je m'en rends pas compte. Mais attends, tu le fais quand même discrètement, genre la main dans la poche, et voilà, ou tu mets vraiment la main au panier? Non, je mets directement la main au panier. Non, mais putain, ah, tu mets carrément directement la main au panier? Oh là là. Ouais. Tant qu'à faire que ce soit voyant, quoi. Non, mais attends, mais tu pourrais faire un effort quand même, tu pourrais, je sais pas moi. Bah, je sais pas, mais je sais pas, c'est un toc et tout, je sais pas. Enfin, quand c'est je ouf. Stresse et tout, quand je stresse et tout, bah faut que je foute la main au panier quoi. Bah c'est dingue, il y a les SB Freaks, il dit moi j'ai un autre toc important chaque soir avant de dormir, je dois penser à Toff sinon je dors mal. Ça mais c'est bon ça. Moi je pense que c'est le contraire, hein, mais bon. Bah pour mieux dormir c'est de pas penser à toi? Oui. Ouais, c'est possible. Il y a Rose aussi qui dit moi mon toc c'est d'écouter Mickaël avant d'aller me coucher. Non mais ça c'est un bon toc ça, il faut pas soigner ça, mais t'inquiète non. Pas Rose. Mister Steven aussi qui dit j'en pleure de rire encore de cet appel à l'instant. Il y a Dodo la Saumure aussi sur le Twitter. Mort de rire le canular d'hier là, c'était bien des ch'tis ça. Bah oui, on était à Lens. Colin qui dit ne soyez pas si impoli la petite gouja. Eh il était quand même, c'est vrai qu'on l'appelait quand même pour rendre service. Mais au oui. Final on s'est fait insulter gratos. Et alors JB aussi qui dit mémorable appel d'hier, la personne a vraiment besoin de délation, sa femme doit suivre des cours et de fellation pardon, pas de délation. Et Clem qui il est mort de rire, il était énorme l'appel, oui, ça c'est clair. Bon, pour en revenir au toc, justement, il y a des messages notamment qui étaient arrivés, que je vais lire d'ici quelques instants, évidemment. Et Nicolas, toi, parce que toi tu nous as dit que tu mettais la main au panier, mais t'essayes d'arrêter quand même ou tu te dis ouais? Ah bah oui, parce que ça craint un peu quand même. Quoi. Bah oui, ça craint un peu, ouais, non mais c'est clair. Non, ça gratte un peu, c'est ça que tu voulais dire. Non, ça craint. Non mais attends, c'est clair, t'imagines, t'es en société là, tu sais, tous les mecs sont polis, tout ça, quand tu te mets la main au panier, comment ça te gratte, t'imagines un peu? Mais l'important c'est d'avoir les jambes bien écartées quand tu te grattes les couilles, hein, pour qu'on voit bien où ouais, ouais, c'est ça. Surtout s'il est un mariage, tu vois, où il y a toute la famille. Oui, c'est ça, au niveau du mariage. Ou alors toi, t'es le marié, les tu vois. Témoins, oui. Ah, le marié. Voilà, le marié, le mec, la main au panier directement, ouais, ça peut être pas mal. Et hop, la photo de mariage, la main au panier. Ah oh, ouais, t'imagines. Bon, attends, il y a aussi Lamia qui est avec nous, là. Bonsoir, Lamia. Bonsoir, Lamia. Lamia. Quelqu'un qui est de Toulouse? Oui. Ah, c'est Lamia, c'est bien Lamia. Oui, voilà, tout à fait. Bon, bonsoir. Très bien. Bon, ben, sois la bienvenue, Lamia, 24 ans de Toulouse. Merci. Bon, alors, sois. Donc, tu es là, toi, tu es là, tu es là de. Bah, Haute-Garonne, évidemment, Lamia. Tu fais quoi dans la vie? Bah oui, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante en droit. Étudiante en droit? Ah, aujourd'hui, en droit. J'ai étudié les doigts. Mais oui, c'est ça. Non, étudiante en droit. Et donc, toi, tu. Aussi les tocs, Lamia? Ben, j'en ai un depuis que je suis toute petite et j'ai... Attends, est-ce que t'as le kit main libre là ou t'as quelque chose? Ah mais non, pas du tout. Ah, t'as juste un téléphone de merde, ouais. Alors d'accord, ok, la merde. Très bien, non mais c'était pour être sûr, parfait. Donc tu as un TOC depuis que tu as 6 ans, c'est ça? Oui, à peu près. Et bon, je l'ai de moins en moins, mais j'arrive quand même pas à m'en débarrasser, en fait. C'est quoi? Bah, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont. C'est quand je marche. J'ai eu peur, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes dans ma tête. Je me dis, oh putain, c'est pas un tox. Non, pas encore. Appelons le psy. Quoique, il y a de quoi avec ces études de droit. Enfin, voilà, oui, non, oui, en fait, ça aussi. Quand je marche dehors, en fait, j'ai tendance, par exemple, à marcher que sur les carreaux ou sur les lumières. Ah non. Et les passages piétons, tu marches que sur les bandes. Et ça m'arrive, oui. Oh là là, oui, c'est clair. Mais genre, si tu marches à un autre endroit ou au milieu des deux carreaux, là, tu le vis vraiment mal ou Ah bah une fois, elle a failli se suicider. Non mais. Il faut que je fasse pareil au pas d'après, donc voilà. C'est dingue. Donc ça veut dire qu'une fois que t'as marché au milieu d'un carreau, enfin entre deux carreaux plutôt, t'es obligé de marcher entre deux carreaux tout le reste du chemin. Voilà, en fait c'est pour que ça soit symétrique en fait. D'accord. Mais ça c'est vraiment une galère. Hein. Ça c'est comme ceux qui doivent fermer la porte, tu sais, ouvrir la porte, fermer la porte 7 fois ou 10 fois. Pour vérifier qu'elle est bien fermée. Ouais, quand ils partent. Voilà. Moi par exemple. Toi, tu dois fermer la porte 15 fois d'affilée. Ouais, je vérifie 150 fois. Ah bon, non, c'est Polo qui vérifie 150 fois. Ouais, j'ai le même problème avec ma voiture. De quoi? Bah en fait je suis toujours persuadé que je l'ai pas fermé. C'est-à-dire que je vais sortir de la voiture, je vais fermer. Personne la volera, tu sais. Je fais 5 mètres et je suis persuadé que je l'ai toujours pas fermé. C'est pas dingue. Au pire, t'as la mobilette, hein. Oui, bah bien sûr, évidemment, la mobilette est toujours là. Et ça, de ce côté-là, on est tranquille puisque personne ne viendra te la prendre. Hein, mais... T'aimerais bien faire un tour en mobilette, Lamia? Pourquoi pas? Pourquoi pas, bien, Lamia, combien mesures-tu pour voir si tu es digne de ma mobilette? 1m55, c'est petit. Combien pèses-tu, bon. Lamia? Là, je suis à 60 kilos, donc voilà. Quel est ton tour de poitrine? 85 E. Ah oui, E comme énorme, alors. Oh là là là là. Et la... Où est-ce allé? Oui, oui. Et donc, et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Mon pantalon, c'est du 38. Voilà. Écoute, je te laisse... Voilà. En cas d'accident, ça fera airbag. On peut voir ça comme ça, effectivement. Oui, c'est vrai. Bon, écoute, Toff peut venir éventuellement te chercher. Hein, je viens quand elle veut lui descendre la vallée. Merci, évidemment, en scooter. Hein. C'est ça, exactement. Bon, Lamia, reste avec nous encore 2 minutes. Là, Nicolas également. Il y a Coralie qu'on va accueillir également. Là. Bonsoir, Coralie, comment ça va? Bonsoir, ça va et vous? Eh ben écoute, tranquillement, Coralie. T'appelles d'Annecy, toi, la Haute-Savoie. Et tu vois, oui, aussi, voilà, tu as un toc, on va en parler dans un petit instant. Oui. Bon, très bien. Et alors, puisque vous êtes tous là, tiens, Lamia, Nicolas, Jérémy, Coralie, tout ça, j'avais une petite question du jour, là, qui nous a déjà valu un conflit dans le bureau tout à l'heure pendant qu'on préparait l'émission. Pas du tout, on discutait. Arrête un peu, là. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour 1 million d'euros? Oula, plein de choses. Hein. Bon, alors justement, alors parce qu'en fait, ils ont fait le test en proposant vraiment de l'argent à des gens en Angleterre, en fait, et les gens sont vraiment, ils ont aucun scrupule, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont pour 1 million, ils sont prêts à quitter leur mec ou leur copine, à renier leurs amis, leur famille. Ah, moi, je l'ai tué, hein, pour 1 million. Oh là là là là, qui c'est qui a dit ça? Nicolas. Dénonce-toi. Ouais. Nicolas, j'appelle immédiatement la police, ne bouge pas de là. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Non mais attends, t'es prêt à tuer ta copine pour 1 million? C'est un ouf. Ah bah oui. C'est trop de ouf, ça, quand même. Confirme. Bah ouais. Bon, est-ce que vous seriez prêt justement, à quoi seriez-vous prêt pour 1 million? Donc on a déjà la réponse de Nicolas. Toff, par exemple, là, tu coucherais avec un mec pour 1 million? Mais grave. Oh, on m'a rien à foutre. Mais même pour moi, il couche lui. Hein. Ouais, c'est vrai, attends, ouais. Mais attends, mais allez, même pour aller 100 000, je le fais. Même pour 100 000, 000 pour 10 000, 000 je le fais. 5 000, il le fait. Non, c'est 5 000, vraiment, ouais, 5 000, je le fais aussi. D'accord. En bon. Dessous de 5 000, je réfléchis. Et toi, Jérôme, pour 1 million de dollars, enfin 1 million d'euros, tu ferais quoi? Je sais pas, il n'y a pas de... Non, je ne serais pas ma copine, je ne coucherais pas avec un mec, non, je suis plutôt sain d'esprit comparé à... Attends, c'est autres, pas une question d'être sain d'esprit, mais 1 million. Attends, bon, Nicolas, il tue sa meuf, Lamia, tu ferais quoi pour 1 million, toi? Bah, je réalise pas, mais je sais pas, enfin pas grand chose. Bon bah réfléchis. Peut-être recoucher avec ma coloc, ce serait sans fantasme parce qu'elle est bi, mais. Ah oui, donc en voilà, plus tu fais plaisir toi. Oh, c'est bien. Et toi Coralie? Ce que je ferais avec 1 million? Ouais. Non, pas ce que tu ferais avec 1 million, mais tu serais prête à faire quoi pour avoir 1 million? Bah honnêtement, tout ce qu'on me demande, quoi. Ah d'accord, tuer quelqu'un à part tuer quelqu'un. Évidemment. Évidemment. Voilà. D'accord, ce qui n'est pas le cas de Nicolas, comme tu as pu le remarquer. Un million, c'est pour finir en prison après. Ouais, bah c'est ça en fait. Hein. Sauf si tu vas l'enterrer dans le jardin et qu'après tu vas le récupérer. Bon, enfin, c'est un autre détail. Bon, ah bah bougez pas, Coralie, Jérémy, Lamia, etc. On va revenir dans quelques instants avec vous toutes et vous tous. Dites-nous ce que vous feriez pour avoir 1 million d'euros. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire justement? Toi, il serait prêt à coucher avec un mec apparemment. Donc on va en parler. Ouais, on va en parler en direct dans un instant sur Fun Radio. Et puis on va revenir aussi juste après le son de Calvin Harris maintenant sur Fun Radio. I Need Your Love. On est au cœur d'une heure sans pub. C'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h sur Fun. I need your love, I need your time. Arrête de me faire chier. Mickaël No Limit, 23h, 2h sur Fun Radio. Oh là là là là là là, le nombre de messages qui arrivent là avec ce que vous seriez prêt à faire pour 1 million d'euros. Là, on en parle dans un instant. Puis merci, hein, déjà en top tweet l'émission depuis le début, depuis 23h. Mais vous êtes au top finalement. Il y en a plein qui disent ouais, on est en top tweet. Mais effectivement, c'est le cas. Toute l'émission, donc forcément, vous en faites partout. Vous en faites partout. Vous en faites partie donc en top tweet ce soir. Merci à vous toutes et tous en tout cas d'être de plus en plus nombreux là. Presque 12 000 personnes alors que l'émission n'a même pas 2 mois. Et presque 150 000 également sur Facebook. Alors qu'encore une fois l'émission n'a même pas 2 mois, on fêtera nos 2 mois dimanche. Voilà, on fêtera. Enfin, cool, je champagne, gâteau, tout ouais, ça. Ouais, ben c'est ça, voilà, anniversaire quoi, la cool. Bon, donc merci à vous en tout cas, continuez à venir et à débarquer sur le Twitter de l'émission. Je vous rappelle que si vous me faites un follow sur Mickaël officiel, eh bien je vous ferai un follow également, pareil sur Instagram. Bon, qu'est-ce que vous feriez pour 1 million d'euros? Eh bien, plein de messages sont arrivés justement. On va les lire dans quelques instants. Avant ça, je propose que nous prenions à nouveau Julien avec nous pour la colle. De nouveau Jalul, de nouveau là. Julien. Toujours là. Ah parfait, j'ai eu peur avant que tu sois parti, ça aurait été con effectivement. Non. Bon alors, Julien de Cannes, pour gagner le jeu Godens que nous testerons tout à l'heure, le nouveau jeu Sega qui est sorti depuis lundi, qu'on offre depuis dimanche, et également bien sûr le l'iPad ou la PS3, la colle, tu vas l'expliquer maintenant, vas-y on t'écoute. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'une confetti qui bande? Qu'est-ce qu'un confetti qui bande? Qu'est-ce qu'un confetti qui bande? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël au 64-900 avec la réponse juste derrière. Ou pour la Belgique, vous envoyez Mickaël avec la réponse au 63-22. Alors, il y a Mickaël qui proposait un pins. Non. Un confetti qui bande, c'est un clitoris. Ah, c'est pas mal. Non plus. Non, et alors, c'est Rocco Confettise. Non plus. Non, bon d'accord, ok, tant pis, hein, écoute. On aura essayé en tout cas. Bon ben les autres, vous continuez, vous avez jusqu'à 00h30 là pour vous inscrire. Vous envoyez donc Mickaël et la réponse au 64-900 ou pour la Belgique, vous envoyez Mickaël et la réponse au 63-22. Qu'est-ce qu'un confetti qui bande? On te récupère dans un instant Julien. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure Julien. Bon bah allez-y, bonne chance à tout le monde. Hein. Bon en attendant, on va prendre Lionel avec nous là de Paris là. Salut Lionel. Ouais, salut Mickaël. Ah ça va bien et toi Lionel? Bah écoute, je pense que toi tu vas beaucoup plus mal que moi parce que t'as plus de voix. Mais en termes de voix c'est un peu difficile, on sent que je force et que j'arrive. Alors que ça ne fait que 37 minutes qu'on a commencé, qu'il reste encore 2h23 à faire. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est ça rien. Ça va aller. Je serai là. Sauf si t'as des conseils éventuellement miracles qui pourraient me servir Lionel. Alors écoute, je dirais que en fait, moi j'ai chanté un peu quand j'étais tout jeune. J'ai aussi appris que les chanteurs d'opéra, des trucs comme ça, quand ils ont ce genre de soucis, tu prends un alcool fort, plutôt du rhum, tu fous de la flotte dedans, si tu as envie que ce soit un peu meilleur, parce que sinon ça fait un peu médicament, tu mets du sucre à la place du miel. D'accord. Et en fait, tu te mets ça au niveau de la bouche, tu te mets la tête en arrière, de manière à ce que ça descende le plus loin possible au niveau du larynx. D'accord. Et tu te gargarises avec ça. Parce que si tu le bois, je pense qu'à 2h du matin, t'arriveras plus à parler. Voilà. Pour les bonnes raisons. Mais, écoute, ça tombe super bien, il nous reste une bonne vieille bouteille de rhum dans le bureau. C'est vrai, bah on va essayer alors. On va essayer. Voilà. Écoute, on va essayer Lionel. Hein, si ça marche, en tout cas, ça marche genre assez rapidement ou il faut un peu attendre? Bah écoute, généralement tu fais ça, tu fais ça avant de rentrer en scène, donc en scène. Et puis généralement ça marche plutôt bien, je dirais que voilà. Bah écoute, on va essayer. Écoute, merci beaucoup en tout cas Lionel. Hein. Bah écoute, la radio, on va tester. Elle est où la bouteille? Tu l'as sous la main? Ouais, elle est dans le bureau, tu veux que j'aille chercher maintenant? Bah non, bah attends, on va faire ça après la pub, bah tranquille, hein. On va faire ça tranquille. Tu fais chauffer, hein. Je veux dire, il faut que ce soit chaud, quoi. Ah merde. Bah oui, mais comment tu veux qu'on fasse là, chauffer? T'inquiète, j'ai du matériel. Ouais, bon bah écoute. Ou un truc comme ça, quoi. Ok, bah écoute, on va essayer. Bah merci Lionel, hein. Et puis, et si ça marche, ouais. GTA. D'accord. Eh ben, écoute, si ça marche, je m'arrange, Lionel. Okay, mais il faut que ça marche. De toute façon, vous le verrez, je peux pas mentir. Merci Lionel. Ça va marcher. Bah écoute, je le souhaite pour moi aussi, ouais. Salut Lionel, merci beaucoup. Hein. Allez, ciao. Allez, ciao à toi, bye bye. Bon, qu'est-ce que vous feriez pour un million? Il y a Toff avec nous maintenant, avant de parler des tocs encore. La Toff, 31 ans de Poissy. Non, c'est un autre. Salut Toff, comment ça va? Il est complètement con, lui. Bon, bah, sois le bienvenu. Alors, qu'est-ce que tu ferais pour un million d'euros, toi? Alors j'ai réfléchi un petit peu, un million d'euros, je pense que je passe la nuit avec la femme du président de la République. Ah, bon, ça va, ouais, ah non, si. Non, je pense encore à Carla Bruni, moi. Non, mais je pense encore à Bruni, moi, dans ma tête. Valérie. Oui, ça va. Je pense qu'il faut au moins ça quand même, non? Non mais ça va, c'est pas la pire, hein. Franchement, ça peut être bien pire quand même. Hein. Ah ouais, à choisir, je préfère quand même un bel Kassem. Bon, enfin bon, après, c'est une question de goût, hein. Il y a Siegfried qui dit... Un million d'euros, je pense que j'épouse Sandra, chez vous. Oh bah ça va, ça encore, là. Bah oui, ouais, c'est des trucs durs, en fait, on te parle. Genre, se faire couper un bras et une jambe, quoi. Wow. Tu vois, des trucs violents. Ouais, il y en a un qui sont prêts à se faire couper un bras pour avoir un million d'euros. Hein. Il y a Siegfried qui dit, pour un million, je fais la promo de Mickaël dans tout Nantes. Oui. Il y a Slim Shady qui dit, un million, moi, Suzanne Boyle et Toff sur moi à deux. Oh putain, par contre, ça c'est dur. C'est gore, ça. Benji Spears qui dit, pour un million, je redeviens hétéro, la mort de rire, non, je déconne. Il y a Benjamin qui dit aussi, pour un million, je serais même capable de rouler une pelle à Toff, là. Ah. Vous me faites délirer. Oh bah putain, ça c'est dur. Hein. Nonak aussi, pour un million, je rase les cheveux de Toff et je les bouffe. Oh, dégueulasse. Justine, pour un million, je suis capable de me raser les cheveux, jouer avec les sentiments des gens, renier des gens également, oh d'ailleurs là aussi. Là Thomas aussi qui dit, pour un million, je me fais toutes les meufs de la classe. Ah bah, c'est qu'elles doivent être bien moches quand même. Hein. Bon, on continue dans un instant avec les millions, justement. Qu'est-ce que vous feriez? Toff, merci à toi d'être passé. Oui. Tu restes au standard? Non, pas toi, à l'autre. Merde, ouais, je pouvais déjà y aller en week-end. Merci Toff d'être passé. Bouge pas, on va revenir dans un instant avec vous toutes et vous tous. Avec dans quelques instants, on va appeler des gens aussi avec Toff. Hein, on a trouvé un petit sujet grâce à Let's Be Freak sur Twitter. Ne bouge pas de là, nous allons faire ça d'ici quelques instants. Et on va écouter aussi le nouveau Global DJs qui arrive dans un instant sur Fun Radio avec Kids. Et restez là, on se met la pub et juste après, ce sera la nuit sans pub sur Fun. Bienvenue. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël. Ferme ta gueule, les connards. No limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Allez, dans toute la France, on est là. 01 42 48 5000. Vous nous appelez où que vous soyez, évidemment. Et dites-nous ce que vous allez faire ce week-end aussi, tiens. On peut en parler? Pourquoi pas? Bah moi je vais rester à mon avis avec du thé au lit comme un grand-père. Mais très dance floor, très fun hein, comme avec week-end. Wow. Un petit napperon là sur tes genoux. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous feriez pour gagner, pour avoir un million d'euros? Jusqu'où seriez-vous prêt à aller? Balancez vos réponses maintenant au 64 900 par SMS ou vous appelez évidemment Sandro 01 42 48. 5000, voilà, vous y allez, n'hésitez pas. Et puis je vous rappelle également qu'il y a GTA 5 à gagner encore une fois, c'est le dernier de la semaine là à gagner ce soir sur Fun Radio. Vous allez simplement sur le Facebook de l'émission maintenant, facebook.com/mikaelofficiel. Vous allez faire un like et si vous êtes tiré au sort avant la fin de l'émission, je vous offre GTA 5 sur PS3 ou sur Xbox 360, comme ça vous savez tout. Je vous l'avais promis également, nouveau son que vous découvrez maintenant en direct sur Fun Radio, le nouveau son des Global DJs qui fait démarrer d'ailleurs aussi la nuit sans pub maintenant. Soyez bienvenus tout le monde. Plus de pub jusqu'à l'arrivée de Bruno. Global DJs maintenant, c'est Kids sur Fun. Bonne matinée, bonne soirée. Global DJs sur Fun Radio là, c'était Kids. Plutôt pas mal le son de Global DJs là. Dites-nous si vous l'avez kiffé, si vous voulez le réentendre, n'hésitez pas. Vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter tout simplement. Il y a Gomar aussi, c'est un nouveau, j'ai jamais vu celui-là. Gomar qui dit grosse soirée ce week-end chez moi avec les potes et la famille. Il y a Colin qui dit ce week-end je vais voir Conjuring avec mes potes. Je me prépare à vivre un week-end plein de frayeurs. Courage à toi Colin. Et si vous l'avez vu, dites-moi s'il est bon parce que j'hésite à aller le voir. Ah bah voilà, JB aussi qui dit pour ce week-end. Demain là c'est ce Toulouse, les 20 ans d'un pote également, et le reste du temps, GTA 5, forcément. Et alors le prince indien qui dit on prend le contrôle de nos limites, et je trouve qu'on le prend plutôt pas mal. Bah écoute, ouais, en même temps c'est le principe. Hein. Let's Be Freaks qui dit pour un million d'euros, je suis prête à être la chienne de Toff à vie. Mais est-ce que je pourrais la promener en laisse? Et Joséphine sur Twitter qui dit chacun ses tocs, mais moi c'est que j'étais malade à cause d'un truc pourri, c'est pour ça que je sens la nourriture. Et alors Cédric qui dit en top tweet, normal, allez un coup de pelle sur la gueule de Toff, d'accord. Un deuxième, allez. D'accord, ok. Allez, l'autre c'est pour moi. Je suis pour rien moi. on s'en fout. Et Colline qui dit pour 1 million d'euros, je fais un petit bisou à l'animal le plus moche du monde, le poisson bizarre. Ah oui, celui qu'on a mis sur le Facebook là en début de la semaine. Allez le voir d'ailleurs. Facebook.com/MIKL officiel. Dites-nous ce que vous feriez pour 1 million d'euros. Alors attention, c'est bien. C'est pas qu'est-ce que vous feriez avec 1 million d'euros. C'est jusqu'où seriez-vous à aller, que seriez-vous fait, que seriez-vous prêt à faire pour avoir 1 million d'euros. Oui, voilà. Bien donc sûr. C'est ça la question. Donc confondez pas parce que j'en ai vu quelques-uns là qui confondaient sur le Facebook. Donc forcément après ça donne des mauvaises réponses. Bon, vous balancez tout ça maintenant évidemment. Vous appelez Sandro au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4 x 0. Retour avec Jérémy qui a des tocs. Toujours là Jérémy? Ouais, toujours là, ouais. Bon, très bien. Alors, toi tu nous avais dit quoi encore par rapport au million, tu ferais quoi? J'avais dit que je ferais rien mais j'y réfléchis, je pense que pour 1 million d'euros, je me taperais ma gloire. Ah ouais, toi tu tapes dans le high level hein. Ouais, tout de suite. Ah, tu tapes dans le high level, tiens. Bon, et j'en parlais aussi par rapport aux appels puisque t'étais là. Il y a Let's Be Freaks qui a posté un tweet tout à l'heure avec un article qui explique que la Suède vient de légaliser la branlette en public. C'est bon ça. Ouais. Ouais, c'est bien, je sors immédiatement mon sexe. C'est ça. Non, on n'est pas en Suède. Ah, c'est un homme de 65 ans qui se masturbait sur une plage. Il a été arrêté par la police et au procès, le juge, en fait, il ne l'a pas condamné hein, parce que son acte ne visait soi-disant pas une ou plusieurs personnes en particulier. Bah, donc, Toff, je propose que tu appelles des gens pour voir si tu peux aller te masturber chez eux. Mais avec plaisir. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais aller me mettre dans leur canapé et puis hop, une bonne branche. Jérémy, qu'est-ce que t'en penses? Que Toff aille se branler chez les gens, je pense que c'est une bonne idée. Bah, je pense qu'il en est capable. Bah, qu'on essaye d'appeler en tout cas pour voir si c'est gérable. Voilà, c'est plutôt ça dans un premier temps. Ça devrait se faire. Bon, écoute. En plus, ça fait longtemps, donc là, je peux te faire des bonnes giclées jusqu'à la fin. Merci Toff pour ces détails, c'est très intéressant. Un coup de lance-flamme dans ta gueule. Quel dégueulasse, c'est dégueulasse. Quelle cochonnerie! Que veux-tu? C'est un gros porc! Bon, allez, on va appeler le premier maintenant, là. Jérémy, reste avec nous, on parle déjà, des tocs. Ah oui, on perd pas de temps. Chaud, on va parler des tocs avec Clem et avec Lamia dans un instant, là. Allez, premier appel maintenant. Pensez qu'il va y arriver ou pas, Clem et Lamia? Je sais pas. On appelle un vent. Moi, du coup, il va y arriver. Il va y arriver, Clem, Lamia, ouais. Vous pensez qu'il va arriver à se faire inviter chez quelqu'un pour se masturber chez lui? Moi, je sais pas, moi, je dis non. Non, bon, écoute, le meilleur moyen, c'est d'essayer. On va avec ma coloc, moi. Ah oui, non, mais là, on va appeler chez quelqu'un au hasard, hein, c'est pour ça. ta coloc, peut-être qu'elle sera ouverte, va savoir. Bon, on y va, on appelle, c'est parti, premier appel maintenant. Je dis premier parce qu'on va en faire une petite série, à mon avis, jusqu'à la fin de l'émission, hein, donc. D'ailleurs, si vous avez des numéros, n'hésitez pas à partager, bien sûr, de gens qui sont encore debout à cette heure-ci, voilà. Je pensais que ça avait décroché, mais en fait. Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Ben en fait voilà, je voulais savoir si je pouvais venir me branler chez vous. C'est ça. Vous venez avec votre femme? Ah non, je viens tout seul hein, monsieur. C'est ah bon, bah tant pis, allez, alors, salut. Ben attendez, je peux pas venir mastiquer la nouille chez vous? Comment? Non, je demandais si je pouvais pas venir me dégorger le poireau chez vous. D'accord, allez, salut. Ben oui, mais salut, ça veut dire quoi salut? Ça veut dire ferme ta gueule, je pense. Ah non, mais je comprends pas. Ça veut dire oui ou ça veut dire non? Bah, écoute, je sais pas, on va le rappeler. Attends une seconde. Bon, on le rappelle. Bon, il avait l'air gentil, mais il voulait ta femme. Oui. Bah oui. Bon, on rappelle. Je comprends pas pourquoi. Bah, moi non plus. Oui? Oui, ça veut dire quoi, salut? Ça veut dire oui, ça veut dire non? Moi, je comprends pas. Bon, c'est fini de s'amuser. Je m'amuse pas, monsieur. Enfin, si, une fois que je serai chez vous, je m'amuserai un peu, mais... c'est juste que, voilà, je voudrais venir faire ça dans votre salon, et puis je rentre chez moi. D'accord, c'est ça. Voilà, c'est ça, oui. Allez, salut. Oui, mais ça veut dire oui ou ça veut dire non? Allez vous faire foutre. Ah bah voilà. D'accord, mais avant ou après de passer chez vous? Comme vous voulez, salut. Bah, moi, je préférerais après. Oh bah il a nouveau raccroché là, quel relou. Oh là là. Bon, si vous avez des numéros de téléphone à nous donner, n'hésitez pas hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On en appellera d'autres hein, des gens qui sont encore debout à cette heure-ci évidemment. Je compte sur vous pour tous les messages. Bon, allez, retour avec Lamia, Clem également et Jérémy qui nous avait appelé parce qu'il avait plein de tocs. Il y a également d'ailleurs beaucoup de messages qui sont arrivés par rapport à ça. Alors, ils sont où les tocs? Que je retrouve les tocs? Parce que j'ai eu plein de messages entre temps. Alors excusez-moi, mais voilà. Il y a Petit Panda qui dit mon toc, c'est que je me sens toujours les cheveux, enfin au moins une mèche. Ah oui, il y a ceux qui effectivement prennent les mèches, ils les font descendre jusqu'au niveau du nez pour les sentir, ou ils les mettent dans leur bouche. Il y a ceux qui les bouffent aussi. Exactement. Il y a quoi aussi ? Il y a Clem qui dit, ah si, moi j'ai un toc de merde, je sens les gens. Genre quand je marche dans la rue, je sens tous ceux que je croise, c'est chum. Ah oui, effectivement, oui. Nils qui dit, ma copine coûte bien plus d'un million. Ah oui, ça c'est par rapport au million. On va les lire dans un instant, vous inquiétez pas. Et alors, d'autres messages aussi qui sont arrivés là. Il y a Colin qui dit, le canapé libre, Tof, si tu veux. Ah ah. Ah bah écoute, avec plaisir. Ah ah, voilà. Je cours. Bah oui, Miss Izibo qui dit aussi, Tof, mon canapé t'attend, pas de problème. Viens chez moi, Tof, c'est Clara ici qui avait envoyé le message. Voilà, Megumi qui dit, ah, tu me dégoûtes, Tof. Bah oui, oui, ça, là par contre, on va pas chauffer la mobilette, hein. Non, mais il y en avait d'autres là. Ouais, ouais. Tu peux me faire un petit tour de France là, non ? Ouais, oui, c'est vrai que tu peux, au démarrage. C'est parfait. Et puis l'autre message aussi, il y a le prince, c'est-à-dire qu'il dit, la Suède, quel beau pays, la liberté de se masturber en toute tranquillité. Et Megumi encore qui dit, pour un million, je suis prêt à laisser Tof s'astiquer la nouille chez moi. Ah bah écoute, mais il faut vraiment un million alors. Bon alors, toi le Clem, 19 ans de Dax, tu voulais aussi réagir par rapport à Jérém. Est-ce que toi, t'as aussi des tocs ? En fait, un jour, c'était au collège, et ma meilleure amie, elle me fait, vas-y, qu'est-ce que t'as là et tout, tu sens tout le temps les gens et tout. Et en fait, à chaque fois, bah, j'ai remarqué maintenant, mais je le fais tout le temps, à chaque fois que je croise des gens dans la rue. C'est toi qui avais envoyé le message sur Twitter ? Oui. Ok ! C'est horrible, tu sens les gens dans la rue. Ouais, ça tombe bien que tu m'en comptais au téléphone, mais quand tu dis je sens les gens, c'est-à-dire que c'est seulement quand ils passent, tu vas pas quand même t'approcher d'eux pour vérifier. Levez le bras ! Oh, la journée a été rude. Non, elle fait comme les chiens, elle leur flaire le cul. Ouais, c'est ça, ouais, tu vérifies un peu ce qui se passe au niveau des fesses. Non, mais genre quand il passe, tu vois, je sais pas, ça fait de l'air, tu vois, donc du coup je sens, tu vois. Ça fait de l'air. Et dire qu'il y en a qui se plaignent des odeurs dans le métro. Ouais, exactement, alors qu'il y a quand même bien pire. Hein. Alors que Clem, elle sniffe tout le monde. Exactement, mais c'est un truc de dingue. Mais ça t'a pris quand, ça t'a pris comment ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Enfin, dis-nous. Non, mais je sais pas du tout, c'est un jour, c'est ma meilleure amie, elle m'a dit oui, tiens, tu sens les gens et tout, tu le fais à chaque fois, je te l'ai jamais dit parce que je pensais que tu le savais, machin. Ah, parce que tu t'en rendais pas compte ? Ben non. D'accord. Le pire, c'est quand tu vas dans certains magasins, tu sais qu'ils parfument à mort. Ouais. C'est genre une horreur. Ouais, genre Abercrombie aussi. Ouais, aussi oh là ouais. là, mais c'est fait exprès en fait, non ? Ben bien pour sûr, bah oui. Rapidement et que tu te barres vite. Je sais pas, c'est aussi parce que par exemple pour le coup là sur les champs, c'est le cas même si vous allez à Nouilly, enfin bref, partout où il y a un Abercrombie, c'est-à-dire que t'es sur le trottoir en face, tu sens l'odeur. Hein. Ouais. Et là tu te dis ah ouais, mais moi j'aime bien l'odeur, donc t'as plus tendance à y aller, mais après ceux qui l'aiment pas effectivement, ils ont plutôt tendance à se barrer rapidos quoi. Ouais c'est ça, mais y a une raison, mais je sais pas pourquoi. D'ailleurs Tof, comme les magasins sont dans le noir chez Abercrombie, tu t'es jamais tapé une meuf dans un Abercrombie ? Alors dans un Abercrombie non, mais dans un Levi's oui. Oh, c'est pas vrai. Mais quel dégueulasse. Oh, oh là là. Mais quel dégueulasse. Bon bref, c'est pas le sujet. Bon, et donc Clem, ça te pourrit pas la vie toi quand même, le fait de renifler les gens ou enfin si, ça dépend non, où ils sont évidemment. Ça va, je m'en rends pas compte en fait, donc du coup ça va quoi. Bah ça dépend si c'est le matin ou le soir quoi. Bah ouais. Ouais aussi ouais. Parce que le matin en général ça sent meilleur que le soir. Encore que je suis déjà tombé sur des meufs ou des mecs, hein, mais tu sais quand ils sont en magasin ou quoi, tu sais, tu rentres, c'est encore le matin, enfin les midis quoi. Plus la mort, un truc, mais c'est la transe, mort quoi, c'est waouh. Encore quand c'est des ouvriers, les mecs qui bossent et tout comme des chiens, bon tu comprends, mais la meuf ou le mec qui est bien habillé, normal, et il pue la transe, mais il est violent. Il y en a plein, hein. Ah ouais. Quand t'as un haut trop serré, tu sais, au niveau des aisselles. Ah ouais, bah du coup, c'est enfermé, arriver, ouais, ça transpire. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Quelle horreur. Mais là, tu fais pas la maligne, tu fais pas la belle, hein. Ouais, c'est clair. Alors, toi, tu dois pas sortir avec un mec, Clem, parce que tu dois le renifler tout le temps. Ah, ça doit être horrible. Non, ça va, Clem, et là, de quoi tu dis ? Célibataire, moi je travaille avec personne. Ouais, non, mais d'accord, mais pour l'instant, mais. Mais Clem, combien mesures-tu ? 1m64. 64, combien pèses-tu ? 40 kilos. Quel est ton tour de Il faut manger maintenant, Clem. Oh, c'est bien, j'aime bien, moi. Non, mais. Quel est ton tour de poitrine, Clem ? 85B. D comme Denise ? Non, B comme Bénédicte. Non, B. Ah, d'accord, non, mais parce que B et D, on comprend mal. Hein. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté ? 32. Est-ce que je peux venir dans ton salon pour me masturber ? Oh, Tof, oh, putain, mais c'est pas possible d'être pervers comme ça à ce point-là, là. Ah si, visiblement, c'est possible. Si, non, mais d'accord, ok, effectivement, visiblement, ça l'est, hein, ok, d'accord, très bien. Bon, du coup, donc, je sais plus ce qu'on disait, mais non, là, tu, avec tes conneries de questions, là. Bah, elle disait qu'elle était célibataire et que donc elle pouvait pas renifler son mec. Effectivement, tu peux. Oui, bah désolé, mais j'ai plus de voix. Bon, ça n'a pas de rapport, mais c'est la première perche que j'ai prise. Bon, Lamia, tu veux encore un truc à ajouter par rapport à ça, toi ? Vous m'avez parlé ? Oui, c'est ce que je te demande. C'est pour ça que si tu voulais, je te demande si tu voulais rajouter encore quelque chose. Ah, oui, alors j'ai un autre toc, en fait. Ah, vas-y. C'est quoi le deuxième ? Il y a quelques mois, c'est que apparemment à chaque fois que j'ai un objet plus ou moins sphérique entre les mains, disons que j'ai tendance à le caresser un peu bizarrement. Ah, attends, dès que tu as un truc phallique. Par exemple, c'est un resto entre potes et j'ai un verre à pied. Et ben au niveau du pied, je vais pas arrêter de le caresser de haut en bas en fait. Merde. Pas forcément envie de quoi que ce soit. Pendant tout le repas, j'ai bien fait. Qu'est-ce qu'elle est cochonne. Non, si. Qu'elle est cochonne. Qu'est-ce qu'elle est cochonne. Mais même quand tu suis avec une copine, Qu'est-ce qu'elle est bi. Non, bel et bien hétéro à 100%. Mais donc, par qu'est-ce contre, là, je ne sais plus. Non, je ne sais plus parce que je fais attention maintenant à chaque fois que j'ai un verre ou j'ai quelque chose. Voilà. Mais alors, mais c'est pareil quand tu es avec ton mec et que tu as son sexe entre tes mains. Bizarrement, pas forcément, pas tout le temps. Mais là, si je le fais, je m'en rends compte. C'est pas un toc. Ah, mais en tout cas, le mec s'en rend bien compte en général, hein, à ce niveau-là. À ce niveau-là, on est plutôt tranquille. Bon, eh ben, merci en tout cas d'être passé tout le monde, là. Clem, Lamia et puis Jérém, là. Et puis, bon courage avec vos tocs, hein. Bon, à bientôt, hein, tout le monde. Salut. À bientôt, allez, ciao. Merci beaucoup, Clem, Lamia, tout ça. Il y a plein de messages aussi qui sont arrivés là par rapport au toc. On va les lire, évidemment, il n'y a pas de problème. Et puis, sur le million, là, que seriez-vous prêt à faire pour avoir 1 million d'euros? Plein de messages qui sont arrivés. Il y a Megumi qui dit pour 1 million, je peux faire à peu près tout. Non, ça mérite d'être clair. Mrs. Ibu qui dit pour 1 million, je pense que je fais tout également. Alenko qui dit pour 1 million, je fais une fellation au président. Mr. Steven, c'est vrai que 1 million c'est beaucoup, mais faut pas faire tout et n'importe quoi pour autant non plus. Martin qui dit moi 10 euros, je suis même prêt à coucher avec Susan Boyle. Ah oui, quand même. Dams qui dit pour 1 million, je fais tout ce qu'on me propose. Il y a Jen qui dit je serais prête à coucher avec Toff pour 1 million d'euros. Putain, toi tu prends, tu vis dangereusement. Ouais. Colin qui dit je quitterai jamais mes amis et ma famille pour 1 million d'euros. Wow. Oh, suis-moi, oui, alors là. Mathias qui dit pour 1 million d'euros, je dirais que Toff est beau. Ah. Kikira pour 1 million d'euros, ah ouais, je ferais énormément de choses également. Et puis c'est qui dit vous vendez du rêve, continuez comme ça, vous êtes des phénomènes. Ah oui, des cas sociaux même, tu peux le dire, hein, n'hésite pas, t'inquiète pas, on s'assume complètement, il n'y a pas de problème. Bon, mais continuez à nous dire ce que vous feriez pour 1 million d'euros. Ce que je propose, c'est que on va tester mon problème de gorge là, puisqu'il y a Lionel tout à l'heure qui nous avait dit qu'il fallait essayer un système là avec un petit peu de rhum chauffé, c'est ça? Ouais, c'est ça, donc je t'ai mis du rhum, du sucre et je suis en train de faire chauffer l'eau pour faire chauffer le rhum. Bon, bah écoute, on va essayer ça dans un instant. Alors le temps d'écouter Will.i.am avec Fall Down, Will.i.am et Miley Cyrus. Et puis juste après, on sera aussi les teubés de la télé qu'on fait tous les soirs aux alentours de minuit. Voilà, teubés de la télé qui arrive dans un instant sur Fun Radio. On va récupérer Samy dans un instant pour parler des millions. T'es là, Samy? Oui, bonjour tout le monde, bonsoir. Salut Samy. Bonsoir. Bon, on parle de ce que tu serais prêt à faire pour avoir 1 million juste après le son de Will.i.am, d'accord? Ok, y a pas de soucis. Parfait, bouge pas de là, on aura Youn également. Youn qui va nous parler de quoi, Youn? Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Allô. Je dis ça va? Oui, et toi? Bah ça va, hein. Moi je suis bien, c'est ma voix qui part un peu en sucette, mais sinon ça va. De quoi on va parler après le son de Will.i.am avec toi? Bah que en fait j'ai une meuf beaucoup plus âgée que moi et que des collègues à mes parents, ils m'ont joué avec quoi. Parfait. Bon, écoute, on en parle dans un instant, Youn, hein, juste après le son de Will.i.am et Miley Cyrus. Ça te branche, t'aimes bien? Ouais. Parfait, c'est Fall Down qu'on écoute maintenant. Samy, Youn, restez là. Il y a Julien avec la colle et GTA également à gagner sur le Facebook. Allez-y maintenant, hein, facebook.com/MIKAELOfficiel. C'est Mickaël No Limit sur Fun. You make my world, you make my world go round. Please call again. Mickaël No Limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Exactement, c'est Mickaël No Limit, minuit 10, c'est la nuit sans pub sur Fun Radio. On est à la cool maintenant, tranquille, jusqu'à 2h du matin. Vous venez prendre le contrôle de l'émission, là, n'hésitez pas, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a Colin qui dit les parents prévoient de me confisquer la radio le soir. Mais pourquoi? C'est scandaleux. Hey, Colline, envoie-moi ton numéro de téléphone, on va t'appeler, on va te trouver une solution là. Tu m'envoies ça sur mon mail mikael@funradio.fr ou alors t'appelles Sandro là 01 42 48 5000. Mais on va te trouver une solution là. Il y a Pierre aussi qui dit pour ton problème de gorge, si tu permets, ma grand-mère m'a toujours donné du Ricard pur et ça a toujours marché. Merci Pierre, mais ça va aller là, c'est gentil. Xavier qui dit aussi pour 1 million, je laisse Toff se branler sur le canapé. Et pour 1 million, je suis prêt de foutre le feu chez moi. C'est officiel, Ludigir. Je sais pas très bien quoi là. Ouais mais bon en même temps avec 1 million t'inquiète pas tu peux tout refaire hein. Viens chez moi me souiller dans toutes les pièces Toff. C'est Let's Be Freaks qui a envoyé le message. Salut. Et Colin qui dit moi je mastique attends c'est quoi, moi je mastique les fils des switch, j'ai honte. Ah oui ça c'est par rapport au toc ça. Et puis Laure aussi qui dit voici la liste de ce que je pourrais faire pour 1 million, mais malheureusement je n'ai pas la liste, c'est dommage. Il y a Steven qui dit dégorger le poireau, mort de rire, la méga classe, et puis couche avec Toff, donc c'est déjà hard. C'est un grand pas pour moi, là, enfin pour toutes les femmes, à part les B-Freaks et petits pandas, bien sûr. Bon, allez, tous vos messages, vous les balancez, on est toujours top tweet, ça fait plaisir depuis 23h maintenant. On est même top tweet devant, en tout cas, on l'était devant iOS 7. Ouais. C'est pour vous dire à quel point ça marche pas mal, voilà. Bon, je sais pas si on l'a encore maintenant, mais peu importe au final. On va aussi lire le top tweet tout à l'heure, hein, l'auditeur, le meilleur auditeur de la soirée, celui qui aura été le plus influent sur le Twitter avec le hashtag et Mickaël. Donc soyez bien sur Fun Radio et puis restez bien là surtout. Dans un instant, comme promis, on récupère Youn. On va prendre Samy également là pour parler avec nous par rapport aux millions justement. T'es là Samy? Oui, je suis là. Parfait. Bon, je vais faire mon grog aussi. Hein. On a trouvé le rhum et tout ça, comme Lionel m'avait dit ça tout à l'heure au téléphone. Là, je fais ça dans quelques secondes. On va pouvoir voir en direct ou pas du coup? Ouais, c'est bon, ça tourne. Ah bon, bah si vous voulez aller voir, hein, vous allez. Alors, on va où maintenant? Parce que je sais plus. Sur le lien qu'on a mis hier, mais je vais le remettre. D'accord, ok. Donc, vous allez voir sur Facebook. Il y a un lien pour voir la vidéo en live dans le studio. Comme ça, vous verrez le grog. Et à mon avis, je pense que je peux tout recracher. Mais on verra. Bon, alors, Samy, sois le bienvenu. Donc, toi, tu as 32 ans de Lyon. Comment ça va, Lyonnais? Oui, ça va. Ça va. Oui, c'est ça. Bon, qu'est-ce que tu ferais, toi, pour 1 million? Pour avoir 1 million, Samy, tu ferais quoi de plus absurde? Déjà plus absurde, je me jetterais du rez-de-chaussée. C'est pas mal pour en profiter par la suite. L'argent. Non, je rigole. Du rez-de-chaussée. Moi, je croyais que t'allais nous dire du 10e, du 20e. Ben oui, mais là, il en profitera pas de son 1 million d'euros. Hein. Oui, 10e, je profiterai. Hein. Ouais, mais, ouais. Déjà, il y aura pas mal. Ils sont taxés déjà là, maintenant plus d'1 million d'euros. Donc, non, mais on s'en fout de ça, taxé, Samy. On veut savoir ce que tu ferais pour les avoir. Pour les avoir, donc je me déguiserai à une meuf d'un personnage, à savoir toi, par exemple. Oh, super, ouais, mais pourquoi faire? Ouais, mais, c'est-à-dire, je vais me mettre dans sa peau, la peau de ta meuf. Je me présenterai devant toi dans ton lieu de travail. Uh-huh. Après, ben oui, je te dirais, tu montes plus sur moi, qu'est-ce qui se passe, bordel? Ah ouais, mais Samy, comment t'expliquer que tu vas avoir du mal à ressembler à ma meuf, à mon avis, quand même, hein? Ah ouais, si, mais ça se fait quand même, avec le cinéma, ce qu'on est un peu pourri, mais... Ouais, pas, mais... ou alors sur Canal en crypté, éventuellement, tu vois, c'est-à-dire que si je te regarde et que t'es crypté, éventuellement, peut-être, encore que, hein, ça va quand même être compliqué. Et donc tu ferais ça pour 1 million d'euros. Tu sais que personne dans n'importe quel monde te paiera ça. Hein. Ah ouais? Ah ouais, non, non, bah oui, ah, mec, je te confirme, hein, comment t'expliquer que c'est juste improbable. Totalement improbable. Mais sinon ça va, Samy? Bah, couper la main de pour 1 million d'euros non plus, c'est improbable, hein, parce que... Ah, il y en a qui le feraient, hein, pour 1 million, je peux te dire qu'il y en a qui le feraient. Hein. Moi, par exemple, je te donnerais pas 1 million d'euros pour que tu ressembles à ma meuf, ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, alors que Toff serait prêt à se taper polo pour 1 million d'euros. Ah ouais, grave, moi non, je le fais direct. Tiens, tu peux aller. Polo? Ah non, non, même pour 10 milliards, je toucherai pas à ça, là. Cette horreur. Ou à qui que ce soit, je ne fais rien. Seulement David Beckham. Ah non, mais même pas. Oh, mais quelle horreur. Bon, contact d'un corps masculin me dégoûte. Oh, écoute, oh, bah oui. Ça me dégoûte. Non, mais après, il n'y a pas de problème avec ça. Regarde-moi ça, regarde-moi cette gueule. Bon, oui, c'est vrai que la gueule de Toff, pour le coup, c'est effectivement assez particulier. Mais bon, ben merci Samy, en tout cas, d'être passé. Merci à vous aussi. Je t'en prie, tu reviens quand tu veux. Hein. Merci. Salut Samy, Youn dans un instant là qui va débarquer, Julien aussi pour la colle. Mais avant cela, vous connaissez le principe, hein, on est déjà un peu à la bourre, normalement c'est à minuit qu'on fait ça. C'est l'heure des teubés de la télé sur France 3. Tu regardes souvent toi ou pas, Youn, la télé? Ouais. Tu regardes, est-ce que ça t'arrive de regarder par exemple sur France 3 dans Slam Cyril Ferraud? Non. Non, bah écoute bien parce qu'il avait un petit peu de mal, comme ça tu l'as raté, tiens. 31 pour Nathalie, 8 pour Bernard, 6 pour Jean-Marie. Dans la grille, il y a 21 points, il faut pas vous tromper, shampoing. Champion. Eh oui, shampoing, vous trompez shampoing évidemment. Shampoing. Bon, et Canal+, tu regardes ou pas? Non. Non, bah décidément, bah justement, comme ça moi on fait le rattrapage. Sur Canal, il y a le commentateur du match de basket, c'était France-Slovénie, qui s'emporte un petit peu après un panier de Nicolas Batum. Alors hey, écoutez bien. Oui, oui, oui, oui, oui. Voilà, il se passe quoi là? Oui. Oh, Nico Batum! Batum, oui, Nico! Batman! Eh bah ouais, il était au taquet lui, hein, avec son Batman là. Et pour finir, notre championne Beverly de l'île des vérités qui nous explique qu'elle adore, mais vraiment qu'elle adore travailler. Moi perso, j'aime bien travailler au chantier vite fait quoi, une minute je veux dire. Eh oui, oui, oui, c'est ça. Une minute, quoi, tu vois. C'est, elle a bien travaillé, mais bon, faut pas travailler trop longtemps non plus, quand même, évidemment. Bon, allez, on va se faire dans quelques instants le grog, justement, là, que Toff m'a préparé, hein, pour essayer de me remettre la voix en une seule pièce. Eh, ouais, fais attention, c'est comme que ça qu'il faut le dire. Pas douiller le grog avec mec, son si t'as fait ça, je te jure, je te pète ta gueule, mais tu auras jamais vu. Tu vois ça, là? Voilà, mais c'est juste une caresse. Bah, on m'a dit qu'il fallait mettre du jus d'homme dedans. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Bon, et avant que je me fasse. Bah, c'est bon le grog là, les caméras, ça marche ou pas? Non, les caméras, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Bon, bah, très bien. Bon, mais c'était pas de notre faute. Bon, bah, alors vous emmerdez pas, c'est pas grave. On va le faire sans la caméra. De toute façon, on a toujours vécu sans, on fera bien. Oui. Hein. En même temps, c'est de la radio, pas de la télé. Allez hop. Je vais essayer le grog, hein. Oh là là. Vas-y, tranquille, alors... là, il s'installe, hein. Alors, il a le grog dans la main, il a la poubelle pour recracher. Ouais, ouais, je te confirme, il a la poubelle pour recracher. Note, ça a pas l'air dégueulasse, hein. Vas-y. Ça a pas l'air dégueulasse du tout. Attends, attends. Ah. Je vais essayer. Donc, il faut vraiment. Donc, attendez, hein. Attention. Ouais. Alors, il y va. Il a. Alors, il commence à boire. C'est pas trop chaud. Mmh. Allez, on se croirait chez le dentiste, hein. Mmh. Allez, on y va. Mmh. Il se gargarise. Allez, attention. Alors, vous entendez le gargarisme. Le Michael se gargarise. Mmh. Vas-y, c'est bon. Mmh. Tu vas pas l'avaler là, mmh. Si mmh. Non, non, l'autre il est à 30 qui fume. Ah, ça il est bon, hein, je vais boire le verre. Hein. Ah ouais? Ah ouais, c'est pas mauvais, attends, je bois un petit verre. Vas-y. Très bon, pas fort, mais c'est pas mal. Ça va mieux, bah, la gorge ou pas? Ah bah, au taquet, là, regarde. Ah putain, ah, c'est génial. Love to love you, baby. Eh ben, santé, hein. Santé, Mike. Santé, merci bon beaucoup. Bon rétablissement surtout. Hein. Eh ben, je vais mieux. Attends, j'arrivais pas à faire la voix aiguë. On va voir si j'y arrive maintenant. Attention. Ça va mieux. C'est pas, on n'est pas au top, mais ça va quand même un petit peu mieux. Je te conseille de prendre un deuxième verre. Oui, ben, t'as raison. Je vais suivre tes conseils. Non, mais attends, attends, attends. C'est pour la santé. C'est médical. Tu vas être torché. Mais non, c'est médical. Bon, vas-y, allez. Et il reprend une gorgée de ce magnifique remède. Et il se gargarise. Écoutez le gargarisme. Ça sent jusqu'ici, hein. Ouais. Tu sens? Ouais. Merde. Et il... Merde. Voilà, le studio est sale. Et souillé. Et souillé. Le studio est souillé. Oh putain, ça a pu demain matin. C'est bon, je vais être content avec cette odeur de rhum. Youn. Bien entendu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Eh ben, je te confirme, surtout du chaud, je peux te dire que heureusement que c'est sucré. Youn. Ouais. J'ai l'impression que c'est pire qu'avant. Qu'est-ce que j'ai à dire? T'as déjà eu des problèmes d'extinction de voix? Non. Non, d'accord, donc tu peux pas m'aider, dommage, hein, ça aurait été bien pourtant. Ça aurait été même très très bien. Bon, bah écoute, ce que je te propose, Youn, c'est qu'on parle avec toi de... Ah bah tu sors avec une cougar, hein, concrètement. Hein. Ouais. Donc concrètement, c'est ça, on peut le dire. On en parle juste après les petits appels de Toff. D'accord. Je rappelle que depuis tout à l'heure... Oh là là. Je rappelle que depuis tout à l'heure, donc, Toff doit essayer d'appeler, puisqu'en Suède, apparemment, ils ont légalisé le fait de pouvoir se masturber en lieu public, à la plage. Mais tu sais que tu y as la rue de la Branlette aussi, ici. Hein. J'en reparle à chaque fois, mais j'y suis allée, hein, c'est véridique. Et oui, parce que Sandro n'a rien d'autre à faire. Voilà. Non, j'avais 20 piges. Ouais. On a été avec des potes pour voir si c'était vrai. Et il y a vraiment des mecs qui sont arrivés autour de la bagnole, je vous jure. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc de fou. Hein. Bon, bah écoute, là, Toff va essayer d'appeler pour voir s'il peut éventuellement aller chez des gens pour se masturber. Allons-y. Bon, allez, c'est parti, on y va. Tu penses que ça va réussir ou pas, Youn? Hein? Tu penses que ça va réussir? Toff va réussir à se faire inviter chez quelqu'un pour se masturber chez lui? Ouais, je pense pas quand même. Tu penses pas? Bon, écoute, on va essayer, on a déjà essayé d'appeler tout à l'heure. Qu'est-ce que t'es défaitiste? Ouais, ça s'est plutôt mal passé, donc c'est parti, on rappelle encore une fois. Bienvenue tout le monde, minuit 19. Et c'est fin radio, on est en direct, c'est Mickaël de Limite. Oui, bonsoir madame. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui, je vous appelais pour savoir si je pouvais venir me branler chez vous. Ah bah génial, tiens, ça c'est... c'était très court. Ouais, c'était très court. Bon, c'est pas grave, on va rappeler encore un petit coup. Là, c'est parti. Ça, à mon avis, ça a dû couper. Problème avec les télécoms. La ligne était mauvaise, peut-être. Allez. Oui, excuse-moi, on a été coupé. Ah, t'as été coupé, mon con. Eh bien, viens, moi, je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi, tu vas voir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Fouriane. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Mais faut pas le prendre comme ça, monsieur. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il est au taquet, lui. Je t'en veux jusqu'à Fouriane. Oh là là, la violence. Eh, qu'on me le découpe celui-là, je vais le remettre là, parce que là, il était quand même très très bon. J'y vais. Je cours couper mais tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Oh là là, là. J'ai hâte de le remettre dans un instant, tiens. Il avait l'air un peu énervé. Mais peut-être parce qu'il est minuit 20. Ah, c'est peut-être ça. Il y a peut-être de ça. Bon, tu vois, t'avais raison, Youn, hein, finalement. J'aurais dû t'écouter. Eh oui. Ah bah oui. Bon alors, on parle de quoi concrètement avec toi là? Tu vas aller parler cougar, mais quoi concrètement? Putain, j'ai la tête qui tourne. Vas-y. En fait, moi je suis avec une meuf de 38 ans. Et y a une cougar donc. Ouais, voilà, une cougar. Parce que toi tu en as. Ah oui, 17 toi, très bien, ouais. 17 et... Mais comment c'est possible? En fait, avant-hier, il y a des collègues à mes parents quoi, qui m'ont vu avec elle. Et du coup, j'ai peur que ça vienne aux oreilles de mes parents. Ah bah oui, mais les parents, ils la connaissent ou pas? Non. Bon, déjà, normalement, ça devrait bien se passer s'ils la connaissent pas, c'est déjà ça. Comment tu l'as pécho? En boîte. Non. Attends, t'as été dans une boîte? Mais depuis quand vous avez les mecs de 17 ans vont dans les mêmes boîtes que ceux qui en ont 37 ou inversement? C'est bizarre, ouais. C'est une boîte un peu bizarre, quoi. Ouais, c'est une boîte échangiste, d'accord, ok. Mais t'as pu rentrer dans une boîte échangiste à 17 piges? Non. Non, c'est une boîte, en fait... Où c'est qu'il y a tout le monde qui y va, quoi. Et du coup, il y a des cougars. Mmh. Et c'est où? Bah, donne l'adresse à Toff, hein, lui, t'es intéressé. Hein. Moi, j'adore les cougars. Bah, ouais. J'ai 22 ans et demi, ça m'intéresse, les cougars. C'est ça. Bien sûr, ouais. Les cougars et les mille. Bon, et concrètement, parce qu'au final, tu t'es fait griller. Bon, ok, ça arrive, hein. Mais t'étais dans quelle situation? Comment, dans quelle situation? Bah, tu dis, ouais, il y a des copains, enfin, des amis de mes parents qui m'ont grillé avec avec la meuf là, mais tu faisais quoi? Vous étiez main dans la main? Vous étiez en train de vous rouler un patin? Vous étiez quoi? Bah non, je la tenais par la taille et puis je sais, du passé, ils m'ont regardé avec des grands yeux, du coup je me suis dit ils vont balancer à mes parents quoi. Et alors, mais même si tes parents ils viennent chez toi, tu leur dis ouais bon ok d'accord, je suis avec une fille, c'est vrai qu'elle fait un peu plus que son âge. J'ai mieux. Tu dis que tu étais en train de lui sauver la vie. Elle est en train de s'étouffer et que tu la tenais par la taille pour essayer de faire sortir un truc. Attends une seconde. Ouais. C'est un beau pipeau, effectivement. Oui, c'est mon pipeau. Oui, c'est magnifique. On est bien. Et là, c'était parfait. C'était parfait. Bon, est-ce que vous êtes déjà sorti avec des cougars, vous? Oui. Ouais. Combien, quel âge? Oh, 40. 40 piges. Mais je voulais pas, en fait. Je voulais pas. Non, c'est pas genre, ça. Genre, que... non. Au j'ai... viol non. Je suis un homme au viol. Oh, viol, non. Allez, vas-y. Non. Cette dame était chaude sur moi. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et tout d'un coup, en fait, elle voulait aller plus loin. En fait, elle m'a dégoûté. Je sais pas pourquoi. Elle t'a dégoûté, mais oui. Non. Parce que t'avais pas, tu maîtrisais pas en fait. Non, c'est pas ça. C'est non, quoi, alors? Je sais pas, j'arrive pas à. Mais est-ce que tu maîtrisais pas? Non, il avait peur. Il avait peur que ce soit pas tout à fait une femme. Ah non, si, c'était une femme. Elle avait la barbe? Non, c'était une vraie femme. Ouais, mais vraie femme après l'opération ou? Non, elle a toujours été femme. D'accord. Enfin, à un moment donné, j'ai bloqué. Voilà, j'ai bloqué. Bon, très bien. Dites-nous si vous êtes déjà sorti avec des cougars, justement, tiens, comment ça s'est passé? Vous avez kiffé ou pas? Ou si vous êtes cougar et que vous aimez les plus jeunes, hein, par exemple les filles, n'hésitez pas, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a d'ailleurs Cyprien qui va nous parler dans un instant, là. Bonsoir Cyprien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi, Cyprien. Comment vas-tu? Bah ça va, tranquille, ça va. Bon, t'appelles... Taf, bah très bien, tu fais quoi dans la vie, toi Cyprien? Moi, je suis barman. Barman, ouh, très bien. Bon, Cyprien, reste avec nous. Juste après le son de Manian avec Flor Fila et Just Another Night, tu vas donner ton avis sur les cougars, d'accord? Pas de problème. Parfait. Et on a également Julien avec nous maintenant. Là, Julien, pour la colle de ce soir. Attention, c'est parti. Julien, répète la colle. Alors, qu'est-ce qu'un confetti qui bande? Qu'est-ce qu'un confetti qui bande? Bon, si vous avez la bonne réponse, allez-y, vous balancez maintenant la réponse. Ouais, tu fais bien l'accent, hein. Ah oui, t'as vu un peu, hein. Bon, qu'est-ce qu'un confetti qui bande? Si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64-900. Et pour la Belgique, vous faites pareil, hein, vous envoyez Mickaël et la réponse au 63-22. Donc, qu'est-ce qu'un confetti qui bande? À gagner, les jeux GoDance. On a également des places, hein, pour le concert de Macklemore. Hein, si vous voulez choper ça, n'hésitez pas, inscrivez-vous maintenant. Qu'est-ce qu'un confetti qui bande? Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64-900. Ou au 63-22 pour la Belgique. Julien, on te reprend dans moins de 10 minutes, hein, 8h30, on donnera la réponse. Allez, ça va. Allez, bah à tout de suite, Julien, à tout de suite, le gagnant dans quelques instants. Et puis on va se faire aussi maintenant, comme promis, le son, nouveauté fin radio, Magnani Florfila, il est juste énormissime le morceau. C'est Just Another Night, Mickaël Nolimi jusqu'à 2h, bienvenue. Mickaël. On est en direct sur Fun Radio, minuit 28, là c'est pas de pub là jusqu'à 2h du mat, donc on est quand même plutôt bien. Et en plus je vous cale aussi dans quelques instants le nouveau son de Le Midi avec Shakedown. C'est le nouveau son qu'on vous cale dans un instant. Il y aura aussi le nouveau Ellie Goulding, il y aura aussi Motonez, Fede Legrand aussi, la reprise avec Prodigy là. Et si vous avez envie d'écouter un son en particulier, n'hésitez pas. Je me calerai bien le nouveau Linkin Park. Ah, moi aussi. Je me le calerai bien avant 2h du mat. Donc si vous voulez entendre, bah, hashtag et Mickaël, n'hésitez pas, on est toujours en top tweet ce soir, grâce à vous, merci beaucoup. Et puis on va lire aussi le top tweetos tout à l'heure là. Si vous voulez être parmi les 5 premiers, voire même le numéro 1 top tweetos, c'est-à-dire l'auditeur de la soirée, le meilleur auditeur de la soirée, et bah tout simplement, vous mettez un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël sur Twitter, tout simplement. D'ailleurs, on salue les nouveaux qui viennent d'arriver. Il y a Flo là que je viens de suivre, puisque si vous me faites un follow sur Mickaël officiel sur Twitter, eh bien je vous follow également. Kenan également, Sofiane pareil, Marie soit la bienvenue, Raphaël également, il y a Pierre, il y a Marie-Lou également avec un P, il y a Waxi, il y a Gustave, il y a Antoman, Antoman, il y a Philippe, il y a Lopez, etc., etc. Donc si vous voulez me rejoindre, vous faites Mickaël officiel sur Twitter et puis bah je vous follow si vous me follow. C'est pas plus compliqué que ça. Et venez donc, on vous attend avec impatience. Retour avec Yon et Sakuga. Toujours là? Ouais, toujours là. Bon, très bien. Il y a Missy Zibou aussi. Eh, t'as entendu l'appel là tout de suite, hein, quand on a menacé Toff de l'accrocher à l'arrière de la voiture. Mmh. Ouais. Ça t'a marqué, Youn, apparemment. Dis donc, Youn, on a enterré toute ta famille ou... Hein? On a enterré toute ta famille? Non. Ah non, c'est pour être sûr, c'est comme t'avais l'air au taquet. Il y a Missy Zibou qui dit mort de rire, la violence, je t'accroche derrière la voiture, pété de rire, le psycho. Ah bah oui, on l'a redécoupé le morceau, écoutez. Eh ben viens, moi je te coupe entièrement, espèce de petit pili de merde. Amène-toi, tu vas voir un petit peu, je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Pouriane. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Oh là là là là là là, je le remets. Eh bien viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi, tu vas voir un petit peu, je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Pouriane. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. On rigole avec un rien, mais bon, c'est comme ça, violent. Bien fait rire. Bon, allez, je le remets. Eh bien, viens, moi, je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde. Amène-toi, tu vas voir un petit peu, je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Pouriane. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Le final est beau. Mais oui, oui, oui. Non, mais le meilleur, c'est que Toff avait appelé il y a 5 minutes, 10, grand max, pour voir s'il pouvait, comme en Suède, aller chez ce monsieur pour se masturber dans son salon et puis partir. Mais il l'a visiblement relativement mal vécu. Hein. C'est ça. Je sais pas pourquoi, mais ouais. Bon, il l'a mal vécu. Ouais, bon. Parce que moi, j'appelle en plus sympathie. Mais oui, mais voilà, mais c'est ça. Bon, alors, Youn, toi, tu voulais parler des cougars, puisque donc tu sors encore avec cette meuf ou pas? Ouais. Et donc, elle a 32 balais, c'est ça? 38, c'est encore pire. Donc 38 ans, total à 17, et donc en fait il y a des amis de tes parents qui t'ont grillé avec elle en rue et t'as peur qu'ils balancent. Ouais, c'est ça. Bon, alors il y a Cyprien donc avec nous de Dijon là. Bonsoir Cyprien. Bonsoir. Alors Cyprien, 18 ans de Dijon, qui revient du travail, le barman Cyprien. C'est bien ça. Bah voilà. Et donc Cyprien, tu voulais donner ton avis par rapport à Youn. Est-ce que t'es déjà sorti avec des cougars? Est-ce que c'est ton rêve, ton kiff, je sais pas, quelque chose? Bah écoute, j'ai 18 ans, je suis avec un cougar entre guillemets, ça fait un an qu'on est ensemble bientôt. Mais est-ce que tu es son toy boy? Je ne pense pas, non. Enfin, du moins, j'espère. Quoi. Toy Boy. Ouais, vous avez pas vu ce film Toy Boy avec. Exagéré non plus, quoi. Avec Ashton Kutcher. Non. En fait, c'est pareil. Donc lui, il va dans une soirée, il sert une bombe de blonde, mais sauf qu'elle est archi vieille. Et en fait, la meuf lui dit écoute, tu viens chez moi, tu fais ce que tu veux, je te donne tout ce que tu veux, mais par contre, quand j'ai envie de baiser, on baise. Ah ouais. Donc le mec, il a pas le choix, quoi. Ouais, fatigué. C'est Toy Boy. Même s'il vient de se branler, c'est pas grave. Toy Boy, quoi. Oh, c'est sympa, tu te refais, c'est comme métier, Toff. Bah, j'ai essayé, mais pour le moment, il y a pas de cougar à qui j'ai plus. C'est marrant, hein, étonnant. Ouais, je sais pas pourquoi, je savais que t'allais dire ça. Bah ouais, c'est bizarre. Bon, si vous êtes intéressés, les filles, éventuellement, hein, vous pouvez toujours nous appeler 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, sait-on jamais, hein, sur un malentendu. Et je rappelle que nous, une fois que vous l'avez acheté, on le reprend pas. Ouais, mais ah, par contre, il faut pouvoir m'entretenir, hein, je veux dire, il faut. Ouais, aussi, ouais. Je dois pouvoir bouffer. Toi, tu manges que des déchets. Oui, c'est vrai. De porc, des pieds de porc. Voilà, c'est ça, quoi. Les pieds de porc, tout ça, bien sûr. Bon, et donc du coup, Cébrien, vas-y, continue. Bah ouais, donc ça fait un an, on est ensemble. J'ai toute ma famille qui est au courant que de la situation. Ça se passe très bien. Bon, ils l'ont mal pris au début, mais bon, ça se passe bien. Ouais, c'est ça. Oui. Ça doit toujours être bizarre quand tu vois t'as des, enfin le copain de ton enfant, il a quasiment le même âge que toi, quoi, donc c'est normal pour tes parents. Oups, pardon, je me suis trompé. Je me suis emballé sur un petit jingle là, autant pour moi. Donc ça nous fait bizarre quoi non, tu dis ça fait toujours bizarre aux parents si le mec de tes enfants il a quasiment le même âge que toi, bah, voire plus âgé. Ouais. T'imagines, tu lui dois le respect. Non mais c'est vrai. Ouais, mais regarde Hugh Hefner là, qui a des meufs de 25 ans quoi. C'est-à-dire qu'il doit avoir au moins deux fois l'âge des darons. Ouais, minimum. Je t'interdis de parler comme ça d'Hugh Hefner. Respect à ce monsieur. Bon, j'ai attends, il y a aussi. Pour ce monsieur. J'aimerais bien avoir la vie de fille également, mesdemoiselles là, ou mesdames. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On a Hippolyte avec nous, décidément. Cyprien Hippolyte, on est au taquet là. Salut Hippolyte de Paris, 16 ans. Salut, ça va? T'es dans quelle année toi? Je suis née, en 14. Allez, au revoir Hippolyte. T'as quel âge? T'as quel âge Hippolyte? J'ai 6 ans. Non, mais non, parce que quand en on... vrai. Non, parce qu'en vrai, c'est-à-dire qu'en général, quand on demande à quelqu'un sa date de naissance, ça sort du tac au tac, c'est normal. J'ai dit? Oui, t'as dit en disant alors je calcule. Alors 2000, il y a moins 7, je sais plus. Enfin, pourtant c'est facile hein. Ah oui. Non oui. Ça fait 2000 moins 3. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon. Bon, Hippolyte, tu voulais dire quoi? Moi, je voulais dire que j'ai sorti d'une boîte avec des copains. D'une boîte à chaussures? Non, mais ou d'une boîte de haricots? Ah, mais c'est vrai. Polo, oh, Polo qui a mis plein de café par terre là. Oh, dégueulasse. Calme-toi Polo, calme-toi. Bon, et donc t'es sorti de ta boîte et après... Après j'étais resté sur le côté avec des copains. Et à quel moment les maïs bon duel ils disent un peu. Ouais, et donc après, ouais, vas-y, continue. Une fille qui arrêtait pas de me regarder. Non. Une fillette. Une fillette. Non, une fille. Quel âge elle avait? Mais une cougar pour toi, c'est quoi, 18 ans? Non, elle avait 31 ans. Ah, elle avait 31 ans. En fait, c'était ta grand-mère. Non. N'importe quoi. Non, mais... Bon, et puis, vas-y, donc, continue. Et ben ensuite, elle est venue me parler. Ouais. Et les copains se sont écartés. Et après, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit que je voulais faire quelque chose avec elle, mais elle... Ouais. Mais quelque chose, c'est quoi dit... quelque chose? Fais-moi rêver. Jouer au Pokémon. Voilà. À votre avis? Bah, je sais pas. Bah, c'est pas. Je sais pas, jouer à GTA? Je sais pas. Moi, elle m'a dit, je voulais faire l'amour avec elle, et elle m'a dit ok. Et tu l'as fait sur le parking ou pas? Hey, non. Dis-moi, Hippolyte. Oui. Ah, t'inquiète pas, tout le monde a des fantasmes, ça finira un jour par arriver. Hein. Ouais, enfin moi ça m'est jamais arrivé. Hein. Ouais, mais bon, peut-être que ça arrivera un jour, tu vois, ça fantasme, c'est pas grave. Pourtant, hein. À son âge, je fantasmais déjà là-dessus. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Hippolyte, t'as quel âge? Je vous jure. Mais arrête ton cinéma, Hippolyte. Quand je te demande ton date de naissance, tu dois pas réfléchir pour donner ton année de naissance, tu dois donner du tac au tac, tu la connais quand même. Bah oui. Donc, t'es dans quelle année? Ok, d'accord, il faut que j'arrête de mentir, ça va. Voilà, tu vois quand tu veux. Allez, Hippolyte. On est des potes avec toi. Allez, tes potes. Allez, pote. 99. Oui, bah fallait être temps. Même. Ah oui, donc en plus, même ça correspond même pas. Mais ça, c'est pas bon. Parce qu'en fait, j'ai dit c'était 2000 moins 3. C'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive même au meilleur. Bon, Hippolyte. Attends, je voulais dire un truc en fait. Allez, Hippolyte. Tout le monde au lit, maintenant. Allez, au revoir, Hippolyte. Mais par contre, tu peux revenir dimanche pour parler des mythos. Voilà, ça y est, pas de problème. Au revoir, Hippolyte. Au revoir. Allez, au revoir, Hippolyte. Oh là, je te mets même une petite musique de. Une petite musique de dodo, tiens. Bodoublim. Voilà. Bobogui. Allez. Bodoada. Do. Da. Doa. Ma. Voilà. Eh ben voilà, il est parti, Hippolyte s'en est allé. Oh. Eh ben je vois qu'il est Mickaël dans une boîte à chaussures, tu m'as tué, le pauvre. Ben non, mais c'est vrai, j'étais en boîte alors qu'il a une voix. Ouais, salut, ben moi j'étais en boîte. Oui, j'étais en boîte. T'étais même pas en phase de mutation encore. Hein. Ouais, c'est ça, même moi. Oui, exactement. Bon, Cyprien, encore un truc à ajouter par rapport au cougar? Quoi de plus ajouter? Non, je vois pas. Eh ben écoute, y a pas de problème, tu reviens quand tu veux, Cyprien. Passe une bonne soirée, hein, l'écoute de fun, merci d'être là. Et il y a moyen de récupérer une petite photo dédicacée de l'équipe? Bah écoute, on en a pas encore, mais par contre on peut déjà se filer un petit pack si tu veux, Cyprien. Mais les photos devraient arriver là, on m'a promis ça depuis, on m'a dit début septembre, nous sommes le 20. Ouais, mais bon, je vais récupérer un petit pack s'il y a moyen, ouais. Bah écoute, pas de problème, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, ok? Ça marche. Salut, bon, salut. Allez, à salut. Bientôt, ciao à toi. Adios. On aura Loïc, Inès et Émilie, bonsoir tous les trois. Salut. Ça va bien? Ça va et vous? Mais oui, très bien, en pleine forme. Bon, Émilie, Inès et Loïc, on va parler des cougars dans un instant avec vous. Très bien. Avec pas de soucis. Vous ne bougez pas de là, on va prendre Greg aussi dans quelques minutes, là, qui va débarquer au standard dans quelques secondes, justement. Et puis, ah bah tiens, tant que je vous ai, on parlait branlette, justement, avec Toff, là, vous avez entendu le premier appel? Oui. Ils étaient quand même sympathiques. Ah ouais, oui. Ça va. Ah oui, attends, et vous tombez sur un mec qui vous dit ça Eh ben viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Ah mais ça m'a bien fait délire. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Pouriane. Tu vas avoir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Violent, mais t'es... C'était magique, ça a égayé ma soirée de boulot, là. Mais grave. Bon, du coup, on va l'appeler encore un ou deux, là, si vous avez un petit peu de temps. Et puis, il y a un canular qui est prévu aussi, a priori. Bah, ce sera avec Greg qu'on l'aura dans quelques minutes. Bon, on appelle, on fait encore un petit appel. Allons-y. Ouais, à moins que Émilie ou Inès ou Loïc, vous seriez prêts à accueillir Toff chez vous pour qu'il se branche dans votre maison. Non, ça ira, merci. Non. Émilie, bof. Émilie, combien mesures-tu? 1m72. Combien pèses-tu? 55 kilos. Ah oui. Quel est ton tour de poitrine? 90 F. Hein? Comment? F comme formidable. C'était formidable. Ouais, c'était fort gros sur comme ton fion. Ça. Ouais, mais c'est attends, ça. On a tout, on a eu le D, le E et le F aujourd'hui. 100 millions d'euros, moi je veux bien l'accepter. Hein, y a pas de tiens, c'est ça m'aurait étonné. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Le dernier c'était 36-38. Et je suis mannequin et modèle photo. Oh là là. Émilie, je viens me masturber quand tu veux. Est-ce que tu peux envoyer mais une photo? Mais je suis aussi chef d'entreprise, les gens. Ah ouais, mais c'est très bien. Hein. Mais tu fais ce que tu veux, hein. Moi c'est juste pour me branler. Et je suis carrossière peintre automobile. Oh, quelle horreur. T'es bizarre. Qu'est-ce qu'elle est mytho. Écoutez, ça serait un prix d'Oza. De quoi? Goodspace.fr. Attends, on va aller voir. Ouais, aller voir. Vas-y, attends, on va prendre des notes, on va aller enquêter là. Ouais. Bon, vas-y, balance l'adresse là, et puis comme ça, on va pouvoir y aller. Emprisosa.bookspace.fr. Attends, oh là, c'est quoi, tu as dit? E-M-P-R-I. E-M-P-R-I. S-O-S-A. F comme Fion. S comme Sodomie. Ah, S quoi? S. Ouais. O. Ouais. A. Ouais. .bookspace. .bookspace.fr. Et là, il doit y avoir des centaines de milliers de personnes qui sont en train d'être de taper les mêmes lettres. Book inexistant. Bah bravo. C'est Emprisosa. Oui, Emprisosa. Okay. Ah, moi j'ai mis un F. Ah bah oui, non, c'est un S. Bah oui, parce que du coup, il marquait book inexistant. Alors, une seconde. Ah ouais, ça charge. Ça rame. Ah mais ça rame grave là, mais parce qu'en fait ils sont 150 000 sur la même page. Est-ce que tous les ports de France peuvent arrêter de parce que vous déconnectez-vous, merde. Ça nous appartient ça. Ça nous appartient c'est là. 95F. C'est ça. Qu'elle a appelé. Exactement. 90. 90, pardon. Mais c'est les tiens ou... T'as un tatouage dans le dos. Oui, oui, c'est les miens. Oh, je vois rien, moi. On voit rien, là. Vas-y, putain. Ça va, oh. J'en ai rien à foutre, moi. J'ai un écran rétina, je verrai mieux. Voilà. Alors, attendez. Ah ouais, par contre ils ont une connexion. Oh merde, la connexion a été réinitialisée. Bah putain, il manquait plus que ça maintenant. Tiens. Alors, modèle à matrice éclairée, ça veut dire que tu es à matrice. Ça veut dire quoi exactement? C'est que mon premier métier, mon métier principal, c'est carrossière peintre automobile dans mon entreprise, que je viens de créer il y a un mois. Ouais. Et mon deuxième métier, c'est modèle photo. D'accord, et quand est-ce que tu peux me repeindre la carrosserie? Ah ben, moi je suis d'Auvergne, donc faut la descendre la voiture. T'inquiète pas, là, il peut faire le Tour de France. Oh là là, il l'a déjà fait plusieurs fois, tu sais. Par contre, on s'est mal compris pour la carrosserie. je parlais pas de ma voiture. Bon, On a un paquebot, tu peux le reprendre. Émilie. Oui. Bon, reste là, on va revenir, il y aura Greg dans un instant comme promis. Inès, bouge pas, Loïc, bouge pas, Youn d'ailleurs, bouge pas non plus. Et puis gagnant de la colle aussi, vite fait maintenant, là. Julien est toujours là, Julien. Julien. Toujours là, toujours là. Parfait, on appelle maintenant le gagnant ou la gagnante. Attention, celui ou celle qui va décrocher repartira soit avec le pack Godens, soit avec les places de concert si il ou elle veut, évidemment, hein, place de concert pour Michael Moore. Attention, c'est parti. Julien, on l'appelle, si il ou elle décroche, eh ben c'est gagné pour elle. S'il a la bonne réponse, s'il ne décroche pas, c'est gagné pour toi, Julien. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, comment tu t'appelles? Oui, attends, une seconde, je coupe ma radio. Oui, coupe ta radio, voilà. Mais tu écoutes sur Mars ou comment ça se passe? Parce que je m'entends d'un truc que j'ai dit il y a au moins quart d'heure. Donc t'écoutes par internet? Oui, allô. Est-ce que tu écoutes par internet? Non, je t'écoute sur mon smartphone. Ah oui, bah c'est pareil quoi. Donc d'accord, c'est pour ça qu'il y avait un peu de retard. Bon, comment alors ça va, Michael? Mais ça va bien et toi, comment tu t'appelles, tu m'as dit? Je m'appelle Ghislain. Ghislain, très bien. Bon Ghislain, il y a Julien qui a une question à te poser là. Vas-y Julien. Allez, pose la main. Alors, qu'est-ce qu'un confetti qui bande? Qu'est-ce qu'il y a, confetti qui bande? C'est quoi alors, Ghislain? Ah, je pense que c'est une punaise. Une punaise? Eh oui, c'est gagné. Non! Oh là là, yes! Eh ben voilà! C'est gagné, en fait. C'est gagné! Bon ben Julien, tu retournes chez ta mère les mains vides. Hein. C'est ça. Eh ben voilà, désolé. Hein. Bon, tu reviens quand tu veux quand même. Hein. D'accord. C'est génial. Allez, y a pas de soucis. Désolé, mon gars. Eh ben bravo, Ghislain. Salut, Julien. Bonne soirée. À bientôt à vous. Bye bye. On reparle des cougars là dans quelques minutes sur Fun Radio. On parlera encore branlette, bien sûr, avec notre ami Toff. On appellera encore quelque part. Et puis, tant qu'on parle de branlette, j'ai 10 infos insolites sur le sexe qu'il faut connaître, évidemment, puisqu'elles sont complètement inutiles. On va en parler. Eh ben, parlons-en. Et sinon, je voulais dire qu'on s'excuse auprès de Bookspace. Hein. Pourquoi ça a planté? Bah, on a planté le site. On l'a fait sauter le site. Ouais. Ah, ça y est, j'ai la page. Ah, merde, moi j'ai erreur MSQL. Ah, bah voilà. Non, mais moi, ça juste avant que ça casse. Attends, galerie. Alors, attendez. Galerie, là. Alors? Bah, une seconde. Ouais mais c'est ça, c'est planté, tu peux plus rien voir. Ah putain, chier, merde. Bon bah tant pis. On est désolé hein, Bookspace. Bon bah désolé Bookspace, hein, on le fera plus la prochaine fois, vous inquiétez pas. Allez, on revient sur Fun Radio minuit 45, on est en direct jusqu'à 2h du match. Je rappelle qu'il y a toujours GTA à gagner sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel. Vous venez bien évidemment et puis vous repartirez peut-être avec GTA d'ici quelques instants sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. 23h, 2h. Fuck Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Eh bien viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pilier de merde, va. Amène-toi et tu vas voir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Fourgnac. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Prenez le contrôle, appelez le 01-42-48-5000 sur Fun Radio. Bon, on est désolé Bookspace, hein. Effectivement on a fait péter le site, merde. Bon, heureusement on a trouvé, grâce à un auditeur sur Twitter, le Facebook d'Emilie là. Emilie? Oui? Bon, on a fait péter ton Bookspace, désolé. Hein. Mais je m'en fous. Bah ouais, désolé, il y a marqué sur le site, quand vous êtes dessus maintenant, c'est warning, fonction MySQL, too many connections. Enfin bref, ça marche plus quoi. Je fais quand même un refresh pour être sûr, mais. On va te faire un peu. Et oui, effectivement, il y a mon Facebook. Bah ouais, il y a le Facebook, donc t'inquiète pas pour louer dessus. Hein, grave, y a pas de... grave. J'aime beaucoup le tatouage et le septum. Merci. Ah, voilà. Et les taches de rousseur, j'aime ça, tu sais. Oh, la drague à deux balles. Mais je suis pas en train de te draguer, je te dis. Si. Mais je lui dis mes goûts. Si. Arrête ton cinéma. Arrête ton cinéma. Bon, allez, minuit 49. Bougez pas, les filles. On va accueillir Greg aussi dans un instant. Et puis, on va parler également de branlette. On va faire un petit appel avec Tov d'ici quelques minutes. Et comme on parlait de branlette, justement, tiens, on va parler. J'ai 10 infos insolites sur le sexe qu'il faut connaître. Bon, on va voir si vous les connaissez, les filles. Même Loïc qui est avec nous. Loïc, Inès et Émilie. Ouais. Alors il faut savoir qu'elles sont complètement inutiles évidemment, mais un enfant européen sur 10 a été conçu dans un lit IKEA. Ah oui, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, hein. D'accord. Faut que je parle à mes parents. J'avais dit qu'elles étaient inutiles. C'est costaud. Oui, voilà, c'est ça. Alors le point 2, hein, 7 boîtes de Viagra sont vendues toutes les secondes dans le monde. Waouh. Donc il y en a beaucoup qui ont du mal à bander, hein, quand même. Hein. Ça va, ouais. Voilà. Ou les meufs, ça va faire pipo. Ouh oui, essayez effectivement, oui. Ça c'est possible aussi, effectivement. Parce que bon, si c'est pour avoir une nana en jogging toute la journée, bonjour pour la bande. C'est ça aussi, effectivement. Bon, Loïc, Inès, Émilie, restez là. On va donc dans un instant continuer à étaler ces 10 infos insolites sur le sexe qu'il faut absolument connaître, même si elles sont totalement inutiles. Et puis on va également se faire le son de... Meutonnets dans un instant avec Snow White sur Fun Radio. Et puis on accueille Greg avec nous maintenant. Salut Greg. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Impeccable. Bon, t'appelles pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai Adeline, une copine qui est une amie de ma femme, voilà. Ouais. Ma chérie. C'est mignon. Tu es avec elle depuis combien de temps? 3 ans. Ah, quand même, très bien, d'accord. J'ai perdu beaucoup de temps, ça fait pratiquement un par an. Oui, je tiens le coup, ouais, c'est bon. Non, mais c'est bien. Encore 5 et j'arrête de travailler pour les allocs. Bon, très bien. Et donc, alors, on va l'appeler, tu veux lui faire croire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux la rendre dingue? Que je suis avec des potes dans une soirée SM. Mais en plus. Attends, soirée SM, attends, je vais regarder fixe. Parfait. Définition. Parfait. Mais en plus, ça risque que d'aimer. Hein. Très bien, bah j'ai que des meufs, je suis désolé. T'inquiète, avec Polo on fera les mecs. Ah bah génial, parfait, me voilà rassuré. Bon, et donc t'es dans une soirée SM et c'est quoi, c'est juste pour la rendre jalouse ou c'est quoi l'idée? Et qu'en fait, c'est pour lui mettre un petit coup de pression, mais c'était aussi pour que les amis me laissent partir de cette soirée, il faut qu'elle me ramène des ingrédients. Des ingrédients? Ouais. On voudrait faire un gâteau sur place avec les un gâteau. Très bien, ok. Bon, et eh ben écoute, on va l'appeler, on va voir comment ça va se passer. On l'appelle maintenant, elle s'appelle comment elle? Adeline. Et ta copine, elle s'appelle comment? Vanessa. Et bon, là, on va dire qu'on est des potes. Bon, elle nous connaît pas, mais on est des potes, quoi. Ouais, des potes à Vanou, voilà. Vanou, Vanou, d'accord. Bon, on y va, on l'appelle, et écoute, tu commences. Hein, moi, je mets la musique de fond. Alors, qu'est-ce que je mets en fond, là? Fais de le grand. C'est bien ça. Mais oui. Voilà. Allez, vas-y. Derrière, je mettrai Animals avec Martin Garrix, comme ça fera des petits bruits d'animaux, comme ça on va être dans le SM, c'est parfait. Allez, on y va, c'est parti, on l'appelle, bonne chance. Et nous, on est derrière, on te laisse passer au début, là, et on est pas loin. Allô? Allô, Adeline? Oui. Oui, ça va, c'est Greg. Salut, ça va? Ça va, et toi? Faut que tu m'aides. Faut que tu m'aides. Je suis avec des copains. Je suis dans un endroit, ils m'ont embarqué dans un endroit. Je suis pas très bien. Faut pas que Manu le sache avec des copains. On est dans une soirée SM. Donc toi, c'est un kiff pour moi. Donc, toi, c'est la première fois que je colle les pieds dans ce genre d'endroit. Je suis vraiment pas à ma place. Faut que tu viennes me chercher. Comment ça, t'es pas à ta place? T'es en train de faire des trucs chelous ou quoi? Non, c'est pas du tout. Attends. T'as laissé ta femme pour aller te faire prendre? T'es sérieux là? Mais non, t'inquiète pas. Faut absolument que tu viennes me chercher. Mais c'est quoi des bruits bizarres derrière toi, s'il te plaît? Mais c'est les copains, c'est rien, t'inquiète pas. Ah bah ils sont bizarres tes copains. Non, ils sont pas bizarres. Mais ouais, faut absolument que tu viennes me chercher. Mais faut pas que Manuel sache. Ah. Je compte sur toi. Mais tu lui as dit quoi? De quoi? Et tu lui as dit quoi, sans indiscrétion, que j'étais parti en resto avec des amis et en fait on a dit non, allez, sympa, on va aller boire un verre là-bas et non mais viens me chercher sérieux. J'ai sorti les passe-tétons, qui en veut? Et en plus, c'est cool. Pour que tu viennes me chercher là, on voulait faire en plus un gâteau avec les copains. Ah bah tiens, tu m'étonnes, c'est toi la pièce montée de tête. Ouais, mais en plus, toi, monter, t'aimes bien.

deux boules. Bon, hey Greg, ça finit de faire le con. Bon, Adeline, tu viens. C'est pas le con. Attends, écoute. Salope. Greg. Bon, bah Greg, finalement, je vais te laisser. Hein. Bon, tu viens me chercher ou pas? Ah non, tu vas rester avec tes copains et... Allez. Tu vas bien t'amuser avec eux. Avec la cravate. Non, mais amuse-toi, tu as l'air de bien t'amuser là. Ça... Allez, et après, viens. Et après, tu seras rentré, d'accord? De toute façon, on ne laisse pas partir tant qu'elle ramène pas les œufs et la farine. Ah putain, les relous, elle dit j'arrête la musique. T'inquiète, les œufs, t'en as sur chaque bonhomme, tu vas en trouver, t'inquiète pas. Et la farine, bah, pour tout aussi, t'inquiète. Eh bah bravo, tu nous as cassé notre soirée là, on a tout arrêté là, on est démotivé, on pensait que t'allais venir. Mais non, mais continue à la fesser, t'inquiète, t'as dans les messages de la fesser. Non, mais écoutez, moi je vais me casser. Hein. Non, en plus, il nous a dit que t'étais une petite blonde sympa là et que t'allais venir et tout, il nous a promis mons et merveilles et puis rien. Moi je me voyais déjà mais dans oui, tes fesses. Mais oui, mais promets, voilà, c'est toujours ça. Putain. C'est toujours le mec, ça promet, et en fait au final, ça que de la grande gueule. Hein. Tu m'as déçu là, Lynn, il m'avait vraiment vendu ça quand t'étais une bonasse et tout. En plus, il m'a dit elle est un peu blonde, elle est un peu con, elle viendra quand même et au final. Ouais, bah tu vois, comme quoi, tu pouvais être encore plus qu'un barbecue, ouais. Ah bah voilà, et nous, on pouvait mettre l'extincteur. Non mais t'inquiète pas, tu vas te faire mettre de ta main droite, tu vas bien t'amuser. Regarde, j'avais l'extincteur. Ah bah justement, amuse pas bien avec ta main droite. Ah bah non, mais moi, je voulais m'amuser avec toi. Moi, il m'avait dit que je pourrais mettre ma saucisse sur le barbecue, hein. Ah putain, t'as vu, tu peux pas compter sur elle, hein, Greg, hein. Ouais, eh ben non. Les amis. Et en plus, je parie que salope comme elle va les balancer à ta meuf. Oh, non, surtout pas. On comptait sur toi, tu nous as planté, t'es une salope. Salope. En tout cas, c'est pas moi qui suis en train de me faire fesser. Hein? Mais c'est ça le délire, justement. Elle comprend rien. Ok, elle est bête. Dis donc, Greg, tu l'as trouvé où celle-là? En loc. Ah putain, bah ramène-la, hein. C'était une occasion. Adeline? Oui. Donc, tu n'as pas cherché ton pote alors? Bah écoute, à mon avis, il s'est fait de nouveaux potes, mais j'irai le chercher avec sa femme, t'inquiète pas, on viendra le chercher ensemble. T'as vu comment elle est? Ça, c'est bien une meuf, quoi. Ouais, t'as vu. Ça, c'est bien une meuf. Non, ça, c'est bien une amie. Non, c'est pas une amie, c'est une relou. C'est une amie, ça. Bon, Adeline. Ça, ouais. Oui. Bon, t'es sur Fun Radio, on t'appelait juste pour te faire un peu chier, mais... Mais t'as même pas voulu venir à notre soirée, là, on faisait une party. T'as pas voulu venir dans la party. J'ai voulu te quitter, ma belle. Putain, c'est bon. Eh, on a eu chaud, hein. Sinon, on aurait prévenu ta copine, Greg, si elle avait pas cru à l'histoire de la radio. Hein. Non, mais je pense que là, en plus, tu lui aurais pas dit, je pense que derrière, elle l'a fait, quoi. Mais bien sûr qu'elle... Espèce de balance. Balance. Et ouais. Eh oui, merci pour ce... C'était très bien, Greg, ça, le MMMM. Je pense que nous retiendrons que ça ce soir. Bon, bonne soirée tous les deux, hein. Adeline. Merci, oui. Tu me files ton numéro de téléphone ou pas? Non. Oh là là là là là là. Ah, jusqu'au bout. Hein. Qu'est-ce qu'elle est relou celle-là. Je t'emmène dans le studio là. Je te fais bon. Le tour du propriétaire. Oh qu'il est relou, ouais. Oh, je t'en. Là tu l'auras pas en plus, t'es déjà sur l'autre là. T'es déjà sur Émilie. On va récupérer dans un instant. Bah oui, évidemment que tu préfères Émilie. T'as vu Émilie, t'as déjà quelqu'un, tu as déjà un fan. Et Facebook remarche. Ah, Facebook remarche, mais nous voilà rassurés maintenant, très bien. Bon, Émilie, bah reste avec nous. On va se mettre. Alors qu'est-ce que. Il y a un son que t'aimes bien, Émilie, en particulier? Showtech, lequel? Bouya? Le tout dernier, voilà. Ah merde, attends une seconde, parce que évidemment je l'avais pas calé, hein, forcément, parce que tu me l'as demandé là. Donc ça c'est juste l'extrait, alors attends, bouge pas, je vais le chercher. J'ai tellement gueulé dans ce canular que j'avais déjà plus de voix, j'en ai encore moins qu'avant. Alors, bah oui, plutôt, ouais, mais enfin ça va en même temps, hein, il est 1h03 là. Alors attends, je te le cale là. C'est pas une excuse, hein. Ouais, je sais bien. Je suis en train de bosser, je suis en train de remonter ma Porsche, moi en même temps. Ça casse sa merde, hein. Tu remontes ta Porsche? Eh oui, je suis en train de remonter la Porsche d'un client. Tu sais que c'est la voiture préférée de Polo? Ah ouais, j'adore. Bon, il n'aura jamais les moyens de la Porsche, mais. Ouais. J'ai acheté un. Je vais envoyer une photo si besoin. Ah, il préférait une photo de toi et la Porsche. Surtout le 95 S. Là, vu la dégaine que j'ai, les gens, je suis en bleu, je suis pas en talon aiguille. Ouais, hein, mais c'est pas grave, ça peut être sexy quand même. Bon, tu vois qu'on est en chien là? Attends, t'es avec ton truc bleu là? Ta salopette? Non, j'ai un pantalon rouge style bleu, ouais. Et j'ai un débardeur en haut. Oh, mais fais-nous une photo. Là. Et t'es pleine de cambouis? Oh là là là là là là. À peu près, ouais. Oh là là là là là là. Les mecs, ils sont comme des chiens. Oh là là là là là là là là là là. Et c'est à ce moment-là que j'arrive et que je fais, alors ma voiture, elle en est où? Et que là... pas avec l'accent marseillais. Hein, ouais, du tout. Et que là, voilà, c'est tout ce que tu prendras. Bon, reste avec nous, Émilie. Je te l'ai calé le bouillat, la Showtech. Hop là, c'est celui-là que tu voulais. Celui-là. C'est bon, c'est celui-là. Émilie. Oui, oui, c'est celui-là. Bon, parfait. Bon, bouge pas, on vient après ça. À tout de suite. C'est Fun Radio, bienvenue tout le monde, et c'était Showtech. Mickaël, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Exactement, on est dans le direct sur Fun Radio, évidemment, avec plein de messages qui arrivent pour toi, Émilie. Hein, c'est étonnant. C'était c'est vrai que là, j'ai pas super le temps de regarder, tu vois. Ouais, oh. Mais c'est pas grave, il y en a quand même plein qui arrivent. Bon, Émilie. Oui. Est-ce que je peux avoir une photo perso? Une photo perso? Bah, oui, le combo. Ouais, c'est De quoi? C'est quoi? Moi je voulais envoyer la photo dans la ligue des games dans lesquelles je suis avec la Porsche en fond, mais il me faut que je l'envoie sur quoi? Bah alors mikl@funradio.fr. Mais hey, sexy avec un bout de sein et puis un peu de cambouis. Mais hein. Ouais, écoute-le, c'est l'autre. Enfin si tu veux tu peux. Hein, mais... Alors attends, que je cherche un stylo. Alors vas-y, cherche un stylo. C'est bon ça. Arrobas. Ça me fait mon week-end. Ah, la Polo va passer un excellent week-end. Ah oui. Arrobas ouais. funradio.fr, c'est exactement. Ça. Exactement. Ah, je vais jouer du pipeau en regardant cette photo. Oh, voilà. Je crois même que le pipeau va jouer tout seul. Pourri quoi. ouais mais par contre vu que je suis sur mon portable et que j'ai que mon portable à l'atelier, faut que je raccroche pour la prendre la photo. Eh bien, attends, je te raccroche au nez. Hop là. Voilà. Ça y est. Voilà, donc on va la rappeler dans un instant, mais attends, il y a un moment, faut y aller quoi, tu vois ce que je veux dire? Hein? Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai bien vu, ouais. Toi t'as bien vu ce qu'on voulait dire? Ah ouais, grave. Bon ah, bah alors, nous voilà rassurés alors, parfait. Bon, allez hop, c'est parti. J'attends qu'elle m'envoie la photo live and direct là. En tout cas, ce serait bien qu'elle l'envoie live and direct. Et s'il y a un bout de sang? Hein, je veux qu'un bout, moi je veux pas ouais. Un peu de cambouis. Ce serait parfait. Bon, en attendant, il y a plein de messages qui arrivent aussi sur le Twitter. Là, il y a Megumi qui dit, j'avoue que limite la fille, elle m'excite un peu en mode garagiste sexy. Bah, Megumi. Il y a Dams qui dit, vous êtes des ouf. Let's be flux. Il dit, viens me casser le cul, tof. Allez, viens me souiller dans tous les sens. Classe. Jessica qui dit, énorme le canular. Rémi qui dit, ça défonce tout. Sophie, excellent le canular. Megumi qui dit, vous êtes con. J'ai pris un fou rire comme une folle. Ma coloc va me prendre pour une dingue. Benji Spears qui dit, mort de rire, du rêve, trop rêve. Là, Benjamin qui dit, gros fou rire, j'en peux plus, exploser de rire. Encore Megumi qui dit, lol. La meuf qui crie comme une vache, c'est énorme. Tony aussi qui dit des barres, elle va devenir complètement gueudin la meuf. Nicolas trop fort, c'est énorme les mecs. Justine aussi, vous êtes énormes là, surtout Sandro mode chaudasse. C'était par rapport au canular qu'on a fait il y a 5 minutes. Là, Sandro elle gère là, c'est Clem qui est passé avec nous tout à l'heure à l'antenne. Là, gros bisous Clem. Megumi encore qui dit le pince téton et la pièce montée. Ah bah oui, attends, on l'a fait dans les règles de l'art. Hein. Et le prince Nadia qui dit on se croirait vraiment dans une soirée SM avec le fond musical et l'équipe qui met l'ambiance. J'adore les bruits chelous derrière aussi, c'est Colin. Et encore une fois Clem qui dit le petit qui s'est fait passer pour un vieux, il aurait mérité un coup de pelle. Oui, c'est vrai, je n'y ai pas pensé, effectivement. Hop là, dans la gueule. Lire. C'est exactement ça. Bon, on va la rappeler dans quelques instants, du coup. En attendant, c'est... où est-ce qu'il est? C'est... Ah mais Colin, on t'avait eu tout à l'heure là, Colin. Ah. Oui. Oula, excusez-moi, j'ai eu un petit problème Colin, technique. Comment va la montagne? Hop, je la refais. Hein. J'aime bien cette. Non, c'est nul ça. C'est ouais, nul. Complètement naze. Je suis assez d'accord, effectivement. Bon, alors, Colin, donc toi, tu nous avais appelé parce qu'apparemment tes parents veulent te supprimer la radio. Eh oui. Non. C'est mais pourquoi? Comment mais c'est possible? En fait, ils disent que je les dérange trop pendant qu'ils dorment. Oh, ça va. Parce que je rigole, je danse, je chante. Ah. Oui, oui. Alors arrête de chanter et danser déjà. Oui voilà c'est ça déjà. Ouais, c'est pas de la faute de la radio hein. Ah bah vous passez du bon son alors. Ouais mais bon comment te dire qu'il y a un moment faut pas déconner quoi. Ouais ou sinon tu leur dis d'insonoriser ta chambre, attends c'est pas de ta faute. Oui voilà c'est ça. Non mais concrètement c'est quoi, t'as pas de petite radio? Bah si mais je mets les écouteurs mais c'est surtout que je rigole et tout et que... Ils doivent te prendre une folle. Bah il faut plus rire. Comment ça? Ils m'entendent rigoler à 2h du matin. Alors. Non mais il faut que t'arrêtes de rire en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Conseil ouais, mensonge. Mais comment faire? Attends, j'ai un conseil mensonge. Musique Vas-y. Du conseil mensonge ou pas? Oui, alors une seconde, musique du conseil mensonge parce que tu me prends un petit peu... À sec? Ouais. On n'a pas le même vocabulaire. Voilà. Donc, alors Colin. Donc tu rigoles, tu fais des bruitages, etc. C'est ça en fait à peu près, tu fais du bruit. ouais. Eh bien, la solution, Colline, demain matin, tu te diras, je sais pas ce qui se passe, papa, maman, je pense que je suis... Que je suis... Somnambule. Ouais. Ouais, mais ça marche une fois, pas dix fois non plus. Mais hein. Non, mais le somnambulisme. Ouais, mais il faut pas les prendre pour des teubés non plus, quoi, tu vois, c'est mieux. Alors que la bonne vieille technique de la chaussette est beaucoup plus facile à faire. Bah tu te mets la chaussette en bouche, comme ça tu rigoleras moins fort. Et qu'est-ce qu'il est con, oh, une chaussette en plus. Ouais, bah, je pensais, tu te fous dans ton pieu, tu sais, au fond. Ouais. Un ouais. Coussin sur la tête. Ouais. Et puis tu meurs ouais. étouffé. Bravo, et tu écoutes la radio. Bravo, super ça. Conseil. Tiens. Mais si tu laisses un petit passage pour tes narines. Non, c'est trop un conseil de ski là. Avec des pailles. Tu mets des pailles. Ouais. Mais n'importe quoi, sérieux là. C'est une technique ça. Eh, Colline, si tu veux, on peut faire une manif devant chez toi. Ah ouais. Alors sinon j'avais une autre technique aussi, tu te scotches la bouche avec du Chatterton. Mais qu'est-ce ouais. qu'il est bête comme ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'il est bête. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Non mais ouais. Bon, écoute, bon, si vous avez des conseils pipo là éventuellement là à donner éventuellement à Colline là pour qu'elle puisse continuer à nous écouter. Non mais il faut que t'arrêtes de rire, hein, je sais pas, tu veux qu'on arrête l'émission? Non. Non mais tu vois, on peut te mettre un truc pas drôle. Essayez toujours. Attends, laisse-nous essayer. Putain, non, on est trop drôle. On est trop drôle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, si. Il y a bien une solution, effectivement, pour que tu arrêtes de rigoler. T'offres une blague. Alors, est-ce que tu connais l'histoire de la chaise? Elle est pliante. Merde! Ah, tu vois, la force de la répéter, les mecs. Les gens, ils connaissent. Ça fait deux mois qu'ils nous saoulent avec ce truc. Attention, Colline a rigolé, une autre pourrie. Bon, alors, est-ce que tu connais l'histoire de Toto aux toilettes? Non. Ah, moi non plus, il a fermé la porte. Oh putain. Ah ouais. Ah, ça marche. Ouais, tu vois, t'as pas rigolé, hein, Colline. Hein. Ouais, mais en même temps, c'est des blagues de primaire, ça. Oui, c'est vrai. Mais dorénavant, on ne fera que ça pour que tu rigoles plus. Ça fera bien rigoler des gens. Oui, bah probablement 2-3 pélos, effectivement. Ouais, ils ont le droit d'écouter la radio, Colline. Ouais, désolé pour ceux qui ont rigolé à la phrase de Toff, hein, à la blague de Toff, je viens de les traiter de pélos sans le vouloir. Mais con. Désolé. Hein. Bon, bah écoute, Colline, essaie de négocier, essaie de moins rire, mais quelque chose, ouais, je sais pas moi. Négocier. Ouais, on les appelle, je sais pas. Tu veux qu'on appelle tes parents? Ah non, justement, attends. Allez, Colline. Sinon, on peut les appeler dimanche, comme ça il sera 20h, tu vois, on sera plus Pépine. On verra, ouais. Bon, bah parfait. Encore une petite blague avant de partir ou pas? Bon, allez, va, alors, mets vite alors. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde se rase la. Enfin, pourquoi les meufs se rasent la chatte et les mecs se rasent de ce boob? Quoi? Il devient fou! Ouais, il est complètement ouf. Donc, ouais. Je dis pourquoi est-ce que les meufs se rasent la chatte et les mecs se rasent le sgeg, la bite, la tub? Ouais, c'est bon, on a compris, c'est bon là, je pense que c'est bon là, c'est clair pour tout le monde. Bah, parce que les poils, c'est plus bien. Oh putain. C'est nul. Moi j'adore. Attends, je te passe un mec. Eh bien viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi et tu vas voir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Fouriane. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Voilà, tu fais encore une blague comme ça, je rappelle le mec là, hein, t'as compris? Bon, Colline, je te fais des gros bisous, tu reviens quand tu veux sur Fun. Est-ce que tu peux me faire une petite dédie? Oui, bien sûr, ouais. Oui, de toute façon, tu reviens dimanche, effectivement, ouais. Vas-y, y a une personne. Oui, j'en avais prévu trois, en fait. Ah ouais, mais non, il faut choisir une, choisis la meilleure. Bon, vu qu'il m'avait soudoyé tout à l'heure, Dams, sur Twitter. Sur Twitter, très bien, bon, l'embrasse aussi, Dams, voilà, c'est bien. Bon, bisous. Colline, gros bisous. Bisous, à bientôt. Ah, tu as un message de Toff. Voilà. C'était gratuit, avec plaisir. Grande classe. Salut Colline. Salut. Allez, je t'embrasse. Bon, on va rappeler Emilie en direct là. Depuis le temps, elle a envoyé le mail. Ah, j'ai reçu un mail. Attends une seconde. Got it. Oui, Emilie. Eh oh, c'est bon, rentrez chez vous. Je veux d'abord regarder moi. Oh là là. Ça vous va, j'ai tenu parole. C'est vrai. À la fois que je suis carrossière et tu vois, tu m'as traité de mytho, mais c'est pas vrai. Avec la Porsche. Oh. Polo reste bon chevet. Oh là là là là. Oh là là, Polo est tombé sur la chaise. Mais véridique. Mais c'est super. Oh là là, il vient de tomber de sa chaise, mais en vrai, il vient de se défoncer le coude. Ah, ça va. Je me suis éclaté de putain. Oh là là, mon dieu. Ah, c'est un truc de ouf. Ah oui. Eh bien, reçu, t'as tenu parole, effectivement, Émilie. Mais de toute façon, maintenant, les auditeurs, ils vont gueuler, ils vont vouloir absolument revoir la photo. C'est à nous. Bah oui, forcément. Ouais, c'est tu vois, tu m'avais dit, tu m'as passé le générique mytho, mais j'ai prouvé les deux choses que j'inventais. Bon. Oui, pardon, effectivement, je corrige immédiatement. Ah oui, en plus avec la Porsche derrière, comment te dire que Il y a Mika qui dit partage la photo. Non, bah non, c'est pas la mienne, je peux pas, sauf si tu me dis que t'es d'accord, Amélie, mais sinon je la fais pas. Oh oui, mais écoute, moi je suis modèle photo, donc tout le monde. Très bien. Qui a poil sur le net. Oui. Bah. Et ben écoute, parfait, voilà. Bon, par contre, tu vas te prendre certainement des gens qui vont critiquer, donc t'effraie pas. Hein. Il y en a qui vont. Ouais. Tu sais, les gens qui critiquent, ça me passe à des lieux, mais au-dessus de la tête. Prends le cambouis et tout, j'adore. Très bien. Et j'ai envie de te dire, si tu te fies aux critiques entre la jalousie, les gens qui comprennent pas que t'es dans un métier de mec, et patati et patata, d'autant plus que quand t'as 20 ans, t'es chef d'entreprise, ben ça les fait chier. Donc bah oui, mais t'as raison. Écoute, je vais partager la photo dans quelques instants. Ce sera sur le Facebook, mais quand je le décide. J'ai foutu un bordel en fait chez toi. Quand je le décide. D'ailleurs, en attendant, je vais me faire un ping-pong. Un ping-pong. Vas-y. Ouais, il fait ce qu'il veut, c'est Mickaël. Oui, attends une seconde, me déconcentre pas. Je suis en train de niquer Polo là qui va tomber de sa chaise de nouveau. Attention. J'ai bien les mecs. Yeah, dans ta gueule. Bravo, voilà, bravo. C'est ce que tu mérites. Je suis une merde. Ah, voilà. Tu veux m'affronter, Émilie, au ping-pong? Je suis un peu loin là, puis là je suis retourné sous le pare-choc de la porte, donc j'avais. Ah bah voilà, très bien, ah bah bravo, ah bah bravo, eh bah bravo, eh bah bravo. Eh bah plains-toi, je bosse en même temps que je t'ai au téléphone. Alors, c'est bah le mec il va voir le pare-choc d'une R5 sur sa Porsche, il va être content, tiens. Non mais je suis blonde mais quand même. Bon, Émilie, toi tu voulais réagir au cougar toi avec Youn là. Depuis on a perdu en cours de route Inès, mais bon, c'est pas grave, Inès, tu l'as bienvenue si tu veux rappeler. Alors Émilie, qu'est-ce que tu voulais dire toi par rapport au cougar? Ouais, mais par rapport au cougar, c'est que moi je suis l'inverse d'une cougar, moi je suis attirée par les hommes plus vieux, donc pour répondre à son souci à lui, là, c'est que ben, moi j'ai informé mes parents que ben, de toute façon, tous les hommes que je ramènerai à la maison, ils auront au moins 20 ans de plus que moi. À 20 ans, merde, 13, c'est pas possible? Mais il faut qu'ils soient plus vieux, matures et qu'ils fassent le même métier que moi, donc ça va être compliqué les gens. Ah ouais, d'accord, ok. Mais même si c'est juste pour un soir? Ouais, mais pour un soir c'est différent. Ah bah voilà, c'est voilà, ça, Tof il est content maintenant, tiens, il viendra à Clermont-Ferrand. Par contre évidemment il n'a pas une Porsche, il a une Polo. Alors c'est pas pareil le modèle, mais ça a 4 roues, c'est le point identique. Ouais voilà. Je me mets au défi de venir. Mais en même temps c'est pas pour la voiture que je viens, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. C'est pour une autre carrosserie. Bon, moi j'ai une Twingo, Twingo phase 1 qui a 15 ans. Hein. Ah ouais d'accord, ok. Bon, et Émilie? Oui. Bon, qu'est-ce que t'aurais comme conseil à filer à Youn, si t'en as un du moins? Bah déjà qu'il faut qu'il assume sa relation, ouais, vis-à-vis ses parents, vis-à-vis ses proches, parce que bon ben pour moi personnellement, si c'est vraiment une histoire d'amour, de toute façon ça durera sur le long terme, donc il a pas trop le choix le garçon. Bah c'est ça. Pour moi, et puis d'autant plus que le fait est qu'il faut bien qu'il réfléchisse aussi à ses actes. Il faut dire que quand même la personne, lui il avait quoi déjà? 38 ans et elle est là. Non, elle avait 38 et lui il en a 17. Ouais, il faut qu'il se mette dans le crâne aussi que la nana elle a vécu d'autres choses avant. Ouais, donc, ça c'est clair. Qu'elle a des blessures aussi peut-être par rapport à son passé elle-même. Qu'elle ait des gamins à la limite, même s'ils ont son âge. Mais attends, parce que attends, t'es en train de t'emballer là, t'es en train de faire toute une histoire là, mais Youn, si elle a des gosses? Non. Ah bon, bah voilà, comme ça au moins ça mérite d'être, voilà. D'être fait. Non mais moi, je suis assez d'accord avec Emily dans l'idée, hein, tu fais ta vie, t'en as rien à foutre. Si tes parents ils te disent un truc, tu dis bah écoute. Le regard des gens, rien à foutre quoi. Bah c'est juste qu'il est mineur et elle a 38 balais, hein, c'est juste ça le problème. T'as quand 18 ans, Youn? Un détail dans. 28 août. Ah bon, ça va, c'est. Ah oui, non, merde, ça vient de passer. J'allais dire oui, ça va, mais en fait, non, c'est dans 11 mois. Bien. Bah écoute, déjà, il faut voir si les mecs vont aller balancer chez tes parents. Enfin, tu vois, c'est pas sûr non plus, hein. Il faut attendre, voir aussi comment ça se passe et ça évolue dans sa relation aussi, hein. Oui, non, mais bien sûr, évidemment. Bah écoute, en tout cas, merci, Émilie, hein. Attends, tant que t'es là, attends, parce qu'on était en train de parler des infos insolites sur le sexe, là, depuis tout à l'heure, là. Ouais. Les 10 infos insolites sur le sexe là qu'il faut connaître, puisqu'elles sont évidemment complètement inutiles. Donc je l'avais dit tout à l'heure, un enfant européen sur 10 a été conçu dans un lit Ikea, il faut le savoir. Et oui, numéro 2, 7 boîtes costaud, de... C'est robuste. Exactement, 7 boîtes de Viagra sont vendues toutes les secondes dans le monde. Et alors, pour prononcer le mot contraception en allemand, tu connais? Non du tout. Alors il faut dire Schwangerschaftsverhütungsmittel. Ah bah oui. Ah ouais. Tu m'étonnes qu'il y a beaucoup d'allemands. Tiens, s'ils savent pas le dire, forcément. Alors, par exemple, aussi, en deux semaines, un homme célibataire produit assez de spermatozoïdes pour féconder toutes les femmes fertiles de la planète. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Vous êtes productif, hein, quand même. Hein. T'as vu un peu, hein. Au moins, vous êtes utile à quelque chose. Hein. Et du coup, j'ai vu ta photo, tu t'imagines même pas comment je produis. Et il y a Gary Kremen aussi, c'est le fondateur de Match.com. Évite de tâcher le bureau, quand même. Hein. Non, t'inquiète pas, à ce niveau-là, il devrait être tranquille, enfin, normalement. Et donc, Gary Kremen aussi, qui est le fondateur de Match.com, qui s'est fait larguer par sa copine parce qu'elle a rencontré un autre homme sur Match.com. Oh. Qu'est-ce qu'il y a aussi. C'est très con, ça. Ouais, alors, il y a aussi l'information du jour, hein, une femelle furet meurt si elle n'a pas de relation sexuelle pendant un an. Il fallait le savoir. Ça ouais, devait, moi, c'est pareil. C'est pareil. Voilà, c'est ça. Je mourrais. Ça devrait être pareil pour les femmes, pour que les mecs évitent d'aller baiser ailleurs. Ouais, ça aussi. Y a aussi quoi aussi la gymnophobie, c'est la phobie que quelqu'un vous imagine nu. Par exemple, elle désigne aussi la peur de la nudité, c'est d'autres gens. T'imagines ? Gymnophobie, ça veut dire que t'as peur que d'autres personnes t'imaginent nu. Ah non, moi j'ai pas de problème. Bah après, il y a des gens qui ont vécu des choses qui sont pas forcément bien dans leur corps. Ça, je peux comprendre. Non, mais d'accord, mais de l'avoir peur que la personne t'imagine, c'est quand même assez improbable. Sinon, qu'est-ce qu'il y a aussi comme truc sur lequel on est tombé ? Les espions britanniques ont cessé d'utiliser le sperme comme encre invisible parce que ça sentait mauvais lorsqu'il n'était pas frais. Merci les étudiants britanniques. Grande classe et bon appétit si vous mangez. Il y a quoi aussi ? Une femelle chimpanzée en plein ébat sexuel à la force de 6 êtres humains. Ah oui, quand même. Donc faut pas la faire chier, la femelle chimpanzée. Hein. Et enfin le dernier, lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, les athlètes se sont vus remettre 150 000 préservatifs gratuits, soit à peu près 15 chacun. Donc autant dire que ça baisse, quoi. Autant dire que dans les JO, effectivement, ça baisse pas mal. Ça ils ont bien raison. Plutôt pas mal. Bon, et ben on va t'enfiler aussi, tiens, Milly, on va te faire un petit pack fun avec des capotes de danse pour te servir. Ouais, bah, pas de soucis. J'imagine. Immédiatement avec ma mobilette. Et bien évidemment, et quelle mobilette, il arrivera d'ici une dizaine de jours, à mon avis. Hein, démarrage de la mobilette. Attends, il arrive. De quoi tu dis ? Non, le démarrage d'une mobilette, ça fait pas de bruit là, non, je suis un petit peu limité quand même. Non. Ouais, mais cette mobilette là, tu l'as pas encore vue. Hein, ouais, c'est une mobilette spéciale. C'est une spéciale, effectivement. Parce qu'elle fait vraiment ce bruit là, il va pas arriver. Hein. Ouais, bah justement, mais pour l'instant, elle démarre toujours. Hein. Ça fait trois bonnes semaines là, qu'elle démarre. Là. Bon, à mon avis, elle va le cloquer dans les pattes en hiver. Hein. Je pense qu'elle va pas survivre. Bon, enfin bon. Merci Emilie, en tout cas, gros bisous. Je mets la photo. Attends, c'est quoi ? Pas de problème. Je vais mettre la photo pendant le son de Muttonheads. Voilà, le son de Snow White Muttonheads qu'on va écouter maintenant. Et je vais mettre ta photo, donc Émilie, qui est donc garagiste. Alors elle est avec une Porsche en tenue de garagiste. 993. En Porsche 993, voilà, comme ça au moins c'est fait. Pour les spécialistes. Le détail est là. Hein. Donc je te mets ça maintenant sur le Facebook de l'émission et sur le Twitter. Donc allez-y, hein, facebook.com/Mickaël officiel. Tu vas voir qu'on est à 149 000 aidés, on va taper à 150 000 tout d'un coup. Ça va être bizarre, allez voir. Bon, gros bisous Émilie, à bientôt. Bah, merci de m'avoir reçu, puis c'est sympa de parler autre que de vous entendre à la radio. Bah, écoute, avec plaisir Émilie. Écoute, ouais. Je viendrai te faire réparer ma Porsche quand j'en aurai une. Mais je fais aussi des voitures standards. Hein. Non mais j'ai pas de voiture standard. Attends, moi j'en ai déjà une Porsche là. Écoute. Oh, j'ai pas de voiture standard. Écoute. Ah ça c'est bon. Je veux pas t'écouter le bruit que j'ai là moi. Attends, bouge pas. La Porsche, la gnognotte. Écoute. Attends. Alors. Ouais, vas-y. Moi j'ai un paquebot, Émilie. Oh, c'est nul les paquebots. Non, c'est bien. Il y a rien de vrai. Écoute bien. Et hop, 50 litres d'essence qui sont partis. C'est pas la sienne. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais attends, laisse tomber ta Porsche, elle est pourrie. La mienne est vachement meilleure. Elle est vachement mieux. Oh, écoute. Eh, arbre à camantef. C'est un V8. Le vieux klaxon de merde. Hey, klaxon de merde. C'est quoi, c'est on vas-y, a une fais. Porsche dans la attends, dans elle déchire. Klaxon avec la Porsche. Il veut jouer au klaxon en plus. C'est fou de ma gueule de merde. Il est au klaxon sur sa mère. Bah alors attends, que je trouve le klaxon parce que j'ai pas encore testé. Il est où là-dessus? Oh la honte! Putain, on dirait une vieille Cadillac. Ouais. Elle a 20 ans la Porsche. Hein. Ouais, mais quand même. Ah ouais, c'est beau. Bon, la photo dans un instant hein, sur facebook.com/Mickaël officiel. Bon, ben gros bisous Émilie, à bientôt. Hein. Ça marche, gros bisous, à bientôt. Et salut Youn aussi, tu reviens quand tu veux Youn. Et puis bah écoute, vite à vie, t'en as rien à foutre des autres, hein, s'ils sont pas contents, c'est un tarif. Ah oh, ok. D'accord. Fort, mec. Exactement. Bon, allez, salut à toi. Hein. Salut. À bientôt, bye bye. Et puis dans un instant, on va prendre Olivier également, Xavier qui est là aussi là. Salut Xav. Allô. Allô. Ça va et toi? Salut. Tranquille ou quoi? Hein? Tranquille ou quoi? Tranquillou là, posé, je regarde un film. Ok, super, à la cool. Bah écoute, on va parler avec quoi? On va parler de quoi avec toi dans un instant? Bah on va parler du fait que voilà, j'ai mon plan cul qui voudrait sortir avec moi et j'aurais besoin de savoir ce que vous en pensez un peu tous. Écoute, voilà. Ne t'inquiète pas, on va en parler dans un instant. Xavier, ne bouge pas, je vous offre GTA 5 également sur Facebook, facebook.com/michaelofficiel. Et je vous offre également la photo d'Emily avec sa Porsche 993. Je vous mets ça le temps d'écouter le son de Metalheads avec Snow White sur Fun Radio. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous avez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, K.L. No Limit. Sur Fun Radio. Fun Radio. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Exactement, et puis dans un instant sur Fun, je vous cale le nouveau Lee Goulding. Le dernier Lee Goulding avec Burn. Allez, Ellie Goulding qu'on écoutera tout à l'heure sur Fun Radio. Et puis si vous avez envie d'écouter un son en particulier avant 2h, on est là, n'hésitez pas, hashtag et Mickaël bien sûr. Sans problème, vous êtes les bienvenus sur Fun Radio. Tous les soirs, c'est Mickaël No Limit. Encore en hashtag depuis 23h là. Putain, c'est bon ça quand même là. C'est quand même très très bon ça. J'ai plus de voix là. Ça devient vachement moins bien par contre. Il y a Megumi qui dit je veux pas GTA, je veux Mickaël pour une soirée. Oh Megumi, c'est trop cher. Steven qui dit vu l'érection, Toff et Polo vont s'arracher le frein ce week-end. Ça y est, j'ai mis la photo d'Emily sur le Facebook et le Twitter. Allez voir, hein, facebook.com/michaelofficiel. Ah ouais, j'avais dit qu'on allait très fort, très bon. À mon avis, arriver aux 150 000 ce soir là, alors qu'on a même pas deux mois d'émission là. Merci beaucoup tout le monde là, c'est super cool. Et je pense qu'avec Emily, on va faire quelque chose aussi. Charlie qui dit, elle est où la photo de la Porsche? Elle est sur le Facebook là, va voir maintenant. Mika qui dit, abuse pas, mets la photo maintenant là, je viens de finir le taf donc j'ai besoin un peu de réconfort, c'est fait. Et puis Clem qui dit, Emily est super sexy, mon dieu, je l'épouse. Ouais, t'as 15 ans, Clem. Reste calme. Il y a Julien qui dit partage vite. GTR 586 sur Twitter qui dit mort de rire. Calmez-vous les gars, vous faites tourner un petit peu là quand même. Là, ça y est, c'est fait. Allez, partage là, c'est fait. Oliver, la photo de la garagiste et de la Porsche. Là, vas-y, mets ça. Là, c'est Megumi, t'es inquiète. Sylvain aussi, vous déchirez toute l'équipe de dingue ravagée. Un coup de lance-flamme et un coup de pelle, bien sûr, sur la gueule de Toff, bien sûr, comme d'habitude. Allez, attention, c'est parti. Mettez-vous à la queue le voilà, monde. Voilà, et un coup de pelle. Ben voilà, comme ça, il y a tout. Très bien. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, nous allons récupérer Xavier avec le plan cul. Adrien qui voulait réagir, vous êtes là tous les deux? Salut, salut. Ça va bien? Ça va. Bon, tant mieux, bienvenue à vous. Alors, si vous voulez vous connecter, allez voir sur le Facebook de l'émission, on a mis la vidéo live. Tu l'as remise en haut, Toff, ou il faut le faire? Non, il faut la remettre en haut. Alors attendez, je vais la remettre en haut là. Je vais la remettre en haut là, comme ça vous allez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel, et vous allez pouvoir voir Toff et Sandro en train de danser en mode live. Voilà, c'est ça. Alors attendez. Ouais, mais c'est chacun son tour, hein, parce que sinon ça compte pas. De quoi, c'est chacun son tour? C'est super dur. Mais oui, mais c'est super dur, bien sûr. Alors attendez. Bon, le texte ne correspond pas, hein, mais c'est pas grave. Vous cliquez sur la vidéo, ça va démarrer. Hein. C'était par rapport à Reda hier, bref, peu importe. facebook.com/michaelofficiel, puisque je rappelle que nous testons cette semaine le jeu GoDance qui est sorti chez Sega depuis lundi. On vous l'offre depuis toute la semaine. Et donc ça, c'est la musique qui est en train d'être faite sur... Qu'est-ce qu'il y a, tête de con? Je vous explique, en fait, on a mis le jeu sur l'iPad. Et donc, en fait, vous pouvez l'acheter, hein, si vous voulez, hein, sur l'Apple Store, là. Et donc, en fait, le principe, il faut remettre au début, Toff. Ouais, bah attends, et donc, je suis arrivé au bout, là. Et donc, le principe, en fait, c'est qu'on a lancé le jeu et avec la caméra qui est en frontal sur l'iPad. Et ben, il y a Toff qui danse et l'iPad lui dit s'il danse bien ou s'il danse mal. Alors, quel résultat? J'ai fait un pur score, 23 000. 23 000? Ouais, ce qui est merdique. Hein. Ah, ce qui est merdique, d'accord, ok. Voilà, rassuré. On va essayer. Allez, hop, c'est Sandro. C'est parti maintenant, attention. Est-ce que la vidéo enregistre? Oui, ça enregistre, ne t'inquiète pas. Très bien, très bien. Allez, on y va. Sandro met son casque. Elle va commencer à danser maintenant. Et puis, si vous voulez choper le jeu GoDance, n'hésitez pas aussi. Vous envoyez Mickaël par SMS au 64900 ou au 6322 pour la Belgique. Attention, 3. Non, bon, calme-toi, c'est waiting. Ah, c'est waiting. Bon, bah d'accord. Vous avez déjà fait des jeux comme ça, Adrien et Xavier, là? Oui. Vous êtes fan de... Qui est fan de danse là chez vous? Adrien, t'es fan de danse toi? Ouais. D'accord, genre t'as les jeux comme ça aussi J'ai fait des pures soirées comme ça qu'avec ça quoi, pendant des heures et des heures. Non, bah ouais, c'est clair, ça passe le temps grave, surtout l'hiver qui arrive là, comme ça vous allez pouvoir vous défouler. Bon, ouais. Allez, attention, et Sandro qui demande à Toff de dégager parce que je pense qu'il va faire des gestes. Allez, c'est loading. Allez, loading, c'est parti. On y va, go dance, on teste ça ce soir en direct. Donc le principe, c'est que Laëlle est en train de calibrer le jeu. Donc c'est-à-dire qu'elle doit se mettre à une distance bien précise de l'iPad pour être sûre que ça fonctionne bien. C'est parti, sur LMI Fall, c'est bon ça, on y va. Allez. Allez. Et vous pouvez voir ça en direct hein, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKLOfficiel, allez-y. Et attends, moi j'ai vu sur les Nibars là. T'as Sandro, on dirait qu'il est en train de danser avec les stars là sur TF1. Party Rock, allez, c'est parti. Attends, je suis curieux de voir le résultat. Hein. Ah, fait de la merde à mon avis. Hein. Faut crier Sandro, sinon on t'entend mal. Oh putain, quelle danseuse. Alors pour ceux qui suivent en direct, là, c'est juste dramatique. Hein. Ouf, ouf. Voilà, facebook.com/MIKLOfficiel, allez voir. Il y a GTA 5 à gagner, il y a Sandro à regarder en live avec les caméras de Fun. Et puis il y a aussi Emily à regarder avec sa Porsche 993 qui était mécano là, qui était en mode cambouis. Elle a fait une photo là, on vient de la mettre sur le Facebook. Allez voir, donnez vos avis et dites-nous aussi si vous aimeriez que votre garagiste ressemble à ça. Personnellement, oui. Ah bah moi aussi. Ah bah je te confirme. Ça change du vieux garagiste chez Renault. Hein. Et il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut? On va vous changer le filtre à huile. Ça marche pas, qu'est-ce que je merde. Faut mettre de l'eau. Allô. Monsieur, faut mettre de l'eau. Ouais, t'es avec nous Xavier encore. Ouais, Xavier. Ça va? Xavier. Oui, allô. Oui, allô, comme tu disais allô, je te dis allô également. Allô, comment ça va? Bah ça va, tranquille, t'es en train de voir Sandro danser là. Je sais pas si t'as une connexion internet et si tu peux suivre éventuellement le délire ou pas. Non, je peux pas. Merde, dommage. Désolé, bon, on mettra la vidéo. On mettra la vidéo sur le Facebook, hein, vous inquiétez pas, on mettra la vidéo dans un instant sur le Facebook. Voilà, donc facebook.com/MIKLOfficiel, c'est terminé pour Sandro. Attention, Tof a fait 28 000, Sandro. Deux fois. Non, t'emballes pas. En plus, tu l'avais déjà fait toi dans les bureaux la semaine de cette semaine, là, alors t'emballes pas. Une fois, mais lui, il a fait 10 fois. Bon, combien? 44 500, je crois. Ah oui, 44 500, attention, pas mal. 44 550. Ah ouais, t'as vu, Tof, je croyais que t'allais lui mettre salaire là. J'ai mis, c'est faut faire le moins possible. Hein. Plus tu fais, moins c'est mauvais. Ouais, oui, c'est ça. Prends-nous pour des cons, et c'est ça, et n'importe quoi. Mais mon meilleur score, c'était 48 000. On prend l'autre score. T'as vu comment je la remets? Non, j'ai jamais joué. Mais mon meilleur une score, fois, c'était 48 j'ai 000. Fait avec toi l'autre fois. Ouais, ouais. Ça, c'est ma deuxième là. Et il y a Victor qui dit oh là là, moi aussi, je veux venir faire un battle de Godens avec Tof et Sandro. Bah, il faut venir, Victor. En plus maintenant c'est bien, on peut le faire n'importe quand. J'ai le jeu gratuit sur l'iPad. Il y a le prince Adia qui dit Sandro qui danse sur LMFAO Party Rock Anthem, c'est parti. Et Tony qui dit ça déchire de vous voir en live. Bah oui, profitez-en, on l'allume pas souvent, donc allez-y. Colin qui dit moi j'adore la danse. Waouh, Emily ravage, c'est Colin qui avait envoyé le message là. Bon, Michael eh ben Jackson, mais... bah, on n'a pas tout là. Après on n'a pas toutes les chansons non plus là. Michael Jackson, c'est bon. Non, stop, terminé, au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour appeler le standard de Fun. N'hésitez pas, venez parler avec nous, comme Xavier qu'on a avec nous d'Agen, 20 ans. Rebonsoir Xavier. Ouais. Ouais. Ça va avec quoi? Eh ben, ça va tranquille Xavier là, tranquille. Tu dis? Tranquille. Bon, alors, alors Xavier. Allô. Oui, bah, je te pose une question, je te dis allô Xavier, toi tu ne me réponds pas Xavier. Oui, c'est moi. Oui, je me doute bien que c'est toi, Xavier. De quoi on parle avec toi, Xavier? Bah ouais, voilà, donc comme tu as dit tout à l'heure, donc un plan cul donc qui voudrait sortir avec moi. Donc, ouais. Je sais pas. Voilà, attends, c'est ton plan cul depuis quand déjà, dis-nous? Voilà, depuis juin. Depuis juin, c'est un plan cul. Et vous vous êtes rencontrés quand, comment, tout ça, dis-nous? Bah en fait on s'est rencontrés dans une partouze. Dans une partouze, d'accord, ouais. Tout ça est tout à fait normal. Normal, bien sûr. Cela ne vous regarde pas. Tout à fait, non, mais en même temps, on n'avait pas posé la question. Non mais ouais, voilà, après voilà, je suis retourné la voir tout seul, et enfin voilà, ça m'a pas déplu quoi, c'était cool. Tu m'étonnes. Oui, forcément, ça t'a pas déplu. Hein. L'inverse m'aurait étonné. Et elle est pas moche du tout, quoi. Donc. Ouais. Bon, alors, et donc, du coup, là, concrètement, là, tu veux qu'on fasse quoi pour toi? Elle veut sortir avec toi et toi, tu veux pas, c'est ça? Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, si c'est un plan cul et que t'es pas amoureux, bah, vas-y, sors pas avec. Maintenant, si tu sors. Le problème, c'est que si tu sors avec, ce sera plus ton plan cul. Et si tu sors pas avec, elle va peut-être mal le prendre et ce sera plus ton plan cul. En fait, je pense que dans tous les cas, ce n'est plus ton plan cul. Parce que maintenant, elle est amoureuse de toi, a priori. En tout cas, elle te kiffe. C'est ça. Je sais pas, tu peux lui demander, elle est juste avec moi. Là. Ah, bah, passe-la-moi, ah, bah, passe-la-moi. Voilà. Ça qui est bien, c'est que s'ils sont deux ensemble et discutent ensemble, il faut qu'ils passent par nous pour discuter. Mais c'est bien. Salut le plan cul. Oui, comment, ça va, jolie plan... voix. Comment ça va le plan cul? Ben, ça va très bien. Ben, très bien, comment tu t'appelles le plan cul? Naomi. Comment? Naomi. Naomi, t'as pas honte de faire des partouzes? Non, ça va. Non, ça va, très bien. Combien mesures-tu? Attends, juste une question d'abord. Est-ce que t'as ton kit main libre ou le haut-parleur? Ouais, on a le haut-parleur, mais là, il n'est pas activé. Ah oui, donc non, l'active pas alors, très bien. On écoute à deux en fait sur le téléphone. Ah d'accord, ok, mais parle un peu plus près de ton téléphone, Naomi alors. Bon, attends, parce que Yatov qui va te poser une question. Oui, combien mesures-tu? 1m60. Combien pèses-tu? 46. Quel est ton tour de poitrine? 85C. Beaucoup. Oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 34. Oh là là! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Eh ouais! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Écoute, Xavier, je pense qu'il y a un moment, faut la garder, hein. Ouais, ça t'arrivera pas deux fois dans une vie, ça. Hein. Tu la gardes. Bah ouais, j'ai pas envie de rater une telle occasion. Et bah voilà! Bah voilà, mec! Mais toi, t'es complètement con et t'hésites encore. L'autre, il nous appelle pour nous demander notre permission, il faut. Voilà, donc on est heureux de vous annoncer que vous êtes définitivement ensemble. Voilà. Exactement. Enfin, si tu la prends pas, Tof, lui, il arrive avec le scout, hein. Ouais, direct. De quoi, Naomi? Le problème, c'est qu'en fait, il veut pas sortir avec moi parce qu'il ne fait pas confiance au niveau des autres gars, parce qu'il trouve que je couche avec trop de gars. Qu'est-ce qu'il est con! Qu'est-ce qu'il est con! Oui, oui, si, t'es un peu con, hein, excuse-moi, Xavier, mais bon, il y a un moment. Fou, quoi. Mais ouais. Si elle se met avec toi, c'est qu'elle va être un peu fidèle. Donc, non, mais qu'est-ce que. Non, mais attends. Non. Naomi! Oui. Naomi, si toi tu le kiffes vraiment ou c'est juste que toi t'es peut-être un peu jalouse et que t'as pas trop envie non plus de le partager justement. Ben je le kiffe pas en mode je suis amoureuse mais je l'aime bien donc je me dis que ça pourrait être bien si on était ensemble parce que genre j'aurais plus que lui, il aurait que moi. Est-ce que donc si tu te mets avec lui, si vous mettez ensemble, est-ce que t'es prête à lui rester fidèle? Ah ouais, carrément. Mais c'est ça que je comprends pas. Genre, il a peur. Fidèle, Jusqu'à ce qu'une salope vous sépare. Et je reprends la phrase de Clem. Oui, c'est vrai. Non, mais écoute, te prends pas la tête, Xavier. T'as 20 piges, là, vas-y, amuse-toi. Et puis, si jamais c'est pas la bonne, eh ben c'est pas la bonne. Mais au moins, mec, comment te dire? Mais une meuf 85C, 34 de pantalon, moi, je la laisse pas partir. Bah oui. Ah bah oui. Les gars. Bah voilà, ouais, écoute, attends. Compris. Parce qu'il y a peut-être Adrien qui avait un truc à ajouter là. Salut Adrien de Joigny. Et puis on mène au studio, on fera une partouche. Ouais, comment ça va Adrien? Ça va vous? Bah écoute, tranquillement, tout va bien. Bon, alors, toi tu voulais donner ton avis aussi sur ce grand débat? Ouais, mais en fait, le grand débat, c'est que quand on les entend tous les deux parler, ça correspond pas du tout avec ce que moi j'avais envie de dire à Xavier en fait. Alors, c'est-à-dire? Bah c'est que c'est vrai que quand on les entend parler, franchement, je suis pour arrêter les couples et je leur souhaite plein de bonheur à tous les deux. Mais moi, pour l'avoir vécu, l'histoire du plan cul, un plan cul, ça reste de base un plan cul. Et ce que toi disais, Mickaël, de base au début, c'est que un plan cul, si on a un plan cul, c'est qu'on n'a pas envie de se caser. Et une meuf, du moment où on est avec elle, ça devient plus un plan cul, ça devient une fille qui est casse-couille. Une fille qui est comme sa gonzesse quand on l'a actuellement et qu'on est avec. Une fille qui nous fait chier, c'est plus un plan cul, quoi. C'est plus la petite partie de jambes en l'air, et c'est vraiment la fille qui nous fait chier, quoi. C'est parce que vous avez de la chance d'avoir des compagnes, messieurs. Moi, je n'en ai pas, moi. Eh oui, c'est ça, il n'en a pas, le malheureux. Ouais, le malheureux. Le malheureux, il n'en a pas, c'est dommage. Sa seule compagne, c'est sa carte bleue. Voilà, oui, c'est ça. Non, c'est une gold. Il y a la belle carrossière avec sa Porsche, elle va être contente. Ah oui, c'est vrai, pourquoi pas, ouais, ça peut être une bonne idée, ça. Polo ça peut être une très bonne idée. Ah oui, il va aller la carrosser, effectivement, ouais. Mais le truc, c'est qu'il a des sentiments pour elle, apparemment. Xavier, c'est ce que j'ai dit, c'est pour ça que quand on les entend parler tous les deux, ça n'a rien à voir avec la discussion que lui avait quand il a appelé tout seul, quand on les entend parler tous les deux. Vous n'êtes jamais pareil seul et quand il y a la copine. Hein. Ouais, vous pouvez toujours faire un coq. D'accord, comme c'est par jamais hasard, le même discours. Eh oui, mais bien sûr, évidemment. Enfin, de toute façon, la solution est de trouver Xavier, tu vas garder ta copine et puis garde-la sur toi avant que quelqu'un te la chope. Parce que on est là. Ah oui, t'inquiète pas, on guette comme des vautours. Mais je vais venir avec toi partout. Tu me rappelles un de ces quatre. Mais pas de problème, Xavier, on vérifiera d'ici quelques jours, hein, pas de soucis. Y'a moyen de faire une dédie ou quoi? Allez, vas-y, à une seule personne, hein, vas-y. Non, c'est juste une dédie à Field Management, mon école, donc voilà, un petit coup. Très bien. Eh ben, le message est passé, salut. Bye. Allez, à bientôt. Salut Adrien, bye. À bientôt aussi toi. Allez, bisous, bisous. Salut, bisous. Salut, ciao. Tiens, on sort dans un quart d'heure aussi pour GTA 5. Attention, ça va se passer dans pas longtemps, hein, dans moins d'un quart d'heure. Donc facebook.com/Mickaël officiel. Et il reste les dernières places pour aller voir le concert de Macklemore à Paris. Si vous voulez y aller, on vous les offre maintenant. Là, appelez le standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique pour choper vos places pour le concert de Macklemore à Paris. C'est à gagner maintenant sur Fun Radio. Allez, bonne chance tout le monde. Et puis, ce que je propose, eh ben, c'est qu'on s'écoute maintenant le son de Fédé Legrand. Allez hop, Fédé Legrand, maintenant la reprise de Prodigy. Prodigy. Voilà, Fédé Legrand et Prodigy la reprise. Juste après, on fera encore quelques appels avec Toff. Hein. Mais oui, allons-y. Donc, je perds chaud, de plus en plus chaud. Ma voix, voilà. Allez, bonne soirée tout le monde. Il est 1h45 du mat là et c'est sans pub jusqu'à 6h. Bonne nuit. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. C'était tout à l'heure sur Fun. Eh bien, viens, moi, je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi, tu vas voir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Florian. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Voilà, c'était tout à l'heure sur Fun Radio là. C'était quand on avait fait un petit appel. Du coup, on va en faire d'autres des appels. Hein, c'était puisque, mignon, moi j'ai bien oui, aimé. Mais oui. Puisque le principal, évidemment, c'est que pourquoi j'ai le principal. Puisque dans un instant, c'est que nous allons encore une fois, enfin en tout cas Toff va encore une fois essayer de se faire inviter chez quelqu'un pour se masturber chez lui, dans oui. Le but évidemment de faire comme en Suède où ils ont légalisé la masturbation en public. Voilà. Donc on appelle. Moi, je suis très heureux qu'ils aient fait ça. Ben voilà. Il y a Olivier. Il y a Olivier qui est avec nous là maintenant. Salut Olivier. Olivier. Olivier! Non, il est tombé dans la friture. Bon, c'est pas grave. On va le reprendre dans un instant. On appelle encore maintenant, c'est parti. Allez hop! Bonne chance! Pour l'instant, c'est un échec. Hein. Total. C'est qui? Oui, c'est Toff à l'appareil. C'est qui? Bah, c'est moi. Ouais, et ta mère? Et ma mère? Je sais pas. Allez, donc, à l'accueil, viens, on est même pas ici. On va la rappeler, elle a l'air charmante. On rappelle. Ouais. Oh putain, parce que j'ai une voix de merde ce soir, elle est horrible. Oh là, putain, il va pas faire chier ce golo. Bah non, en fait, je voulais savoir si je pouvais venir me masturber chez vous. Ouais, ta mère. Bah, je vois pas le rapport. Non, mais ta mère, elle va tout faire, t'inquiète. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, on était dans le Nord, a priori. Hein. Bon, oh. On rappelle encore un coup. Oh là, on peut nous faire chier, allô. Bon, maintenant, toi, bâtard, t'arrêtes de rappeler parce que sinon, dans 5 minutes, tu vas recevoir une carte dans ta gueule. Mais en fait, faut pas le prendre comme ça, moi, c'est juste une petite branlette, rien de... Ouais, ta mère, elle va te faire une branlette aussi. Bah non, elle peut pas, elle a pas ce qu'il faut. Ouais, bah justement, bah dégage. Quelle répartie. Moi, je veux chez vous. Ah merde, quelle répartie. Eh oui. Eh bah justement, bah alors dégage. Oh là là là, répartie de ouf. Bah du coup, on va le rappeler. Ouais, un petit... Allez. Oui, faut pas le prendre comme ça, enfin. Ta gueule. Bah non, enfin, moi j'appelle juste pour faire astiquer un petit peu, un truc sympa, quoi. Je viens... Ouais, mais va voir son mythique, hein, y en a plein de putes. Oui, mais c'est pas une pute que je cherche, moi je vais juste me branler. Qu'on fera rien. Encore un coup, on l'arrête. Allez, un dernier. Bon, allez, c'est vraiment pour finir, hein. Allez, hop. On rappelle encore un coup. Elle va nous insulter, oui. Oui. Arrête de faire chier, la bande de bâtards, vous. Ah, on est pas mal, là. Bande de bâtards, vous. Oh, j'arrive plus à le faire, non, faut que j'arrête avec ces conneries, là. Non, moi, je peux pas. Bande de bâtards, vous. Non, même ça, c'est limite. Même ça. Bon, Olivier, avec nous, là. Salut, Olivier. On l'a récupéré. Ah, ça va, et toi? Je suis en train de nettoyer mes chiottes, là, et les douches. Normal. Il est au taf. Qu'est-ce que tu fous à 2h du mat à laver tes chiottes? Bah, je suis veilleur de nuit dans un hôtel. Et le rôle du veilleur. D'accord, ok. Bon, bah alors très bien, mais comme ça je comprends mieux. Bon, eh ben écoute, sois le bienvenu. Qu'est-ce qui t'amène, Olivier? On parle de quoi avec toi? Bah, on parle de tout ce que je vois, tout ce que sur quoi je tombe. J'en ai des péripéties à vous raconter, je vous dis. Oh, bah oui. Bah, si tu travailles dans un hôtel, effectivement. C'est quoi comme hôtel? C'est un hôtel à la chaîne, toi. Bon, un hôtel à la chaîne? Non, une marque, enfin une chaîne, quoi. Une chaîne d'hôtel, ouais. Une chaîne d'hôtel, mais genre classe, genre quoi, comme beaucoup d'étoiles ou pas? Hôtel pas cher, toi, c'est surtout pour les ouvriers, les trucs comme ça, quoi. D'accord. Ah ouais, tu dors là. Si je te dis qu'est-ce que conduit Ayrton Senna? D'accord, ok. Ah, oui, ok, c'est très bien. Toff connaît très bien, c'est ça. On a compris, ouais. Bah Toff, il y va souvent, mais lui, en général, c'est à l'heure. Oui, et bah, je peux te dire que j'envoie des formules à l'hôtel, je te le dis. Ah ouais, bah alors vas-y, qu'est-ce que t'as déjà vu comme truc improbable dans les hôtels là? Parce que, à mon avis, jour, ça c'est. Je faisais ce que je fais maintenant, parce que c'est toujours à la même heure que je fais, de 1h à 3h, bon j'ai le temps quand même. Ouais. Et je passe le karcher, si tu veux, dans les chiottes. Oh. Et non, mais dans toutes les chiottes des chambres ou juste là, ah ouais. Non, c'est les toilettes. Ouais, c'est sur le palier là. Ah voilà, oui. Ça, c'est les trucs en plastique moulés. Ouais. Voilà, exact. Et je retourne les cuvettes et après je passe tout, je tire les poubelles et ensuite je passe le karcher au savon et après je passe le balai brosse et bref quoi. Voilà. D'accord. Et après je rince. Et bon, j'ai 4 fois 3, ça fait combien déjà? 12. Voilà, ouais. 12 endroits à faire. Quoi. Voilà. D'accord. Là j'ai terminé. Et donc bon, il y a une semaine, ça m'est arrivé. Je prends mon matériel, mon tuyau, tout le batrain, quoi, et j'ouvre une porte. Et je vois un gars en train de se branler. Quoi. Non, oh, c'est bon, ah, ça. Ouais. Il se branlait. Et le mec, il me regarde. Et il continue. Quoi. Et le gars, c'était un turc. Le pire, c'est que j'imagine très très bien la scène. Ah oui, je lui dis, il avait pas fermé sa porte, ce con. Alors je lui dis, barre-toi parce que je vais nettoyer, quoi. Sinon, je t'asperge. Quoi. Et ton gland, bah, il va. Je suis sur ça, mais il comprend rien. Et le mec, il continue à se branler. Il me regarde. Peut-être que c'était un étranger, il comprenait peut-être pas le français. Ouais, mais quand même, je sais pas, moi, même si je suis un étranger, je suis d'accord. T'arrêtes de te branler, le mec il me voit avec mon tuyau plus gros que lui. Tu vois, plus gros. Il faut se casser, quoi. Je sais pas si tu comprends, mais bon. Oui, je comprends très bien, oui, je comprends bien. On oublie de fermer sa porte, je veux bien comprendre. Mais qu'on continue, je sais pas, enfin bref. Et bon, bah, une fois aussi, là je faisais les draps des chambres. Parce que je le fais aussi, tu sais, je mets les draps neufs pour les femmes de ménage le lendemain. Ouais. Je rentre dans une chambre, et là c'est de ma faute. Je savais pas qu'elle était occupée, quoi. Alors je rentre dans la chambre. Et il faisait nuit noire, t'sais. Et je rentre, et d'un seul coup, j'entends la lumière qui s'allume, c'est pas moi qui ai eu le temps de l'allumer, et je vois deux gars. Bon, deux gars qui étaient, bon, des homos, quoi. Ouais. En train de se ramonner. Voilà, non, et quand le mec a allumé la lumière, le gars qui était sur le gars, il avait sa bite dans la bouche du gars. Ah, classe. Ah oui, mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent dans leur chambre, dans l'absolu. Ouais. Et l'autre continue à le pomper. Bon, moi, j'ai éteint la lumière et je suis parti. Quoi. Voilà, qu'est-ce que je fais ? Excusez-moi, je repasserai plus tard. Il était en train de jouer du biniou. Parce qu'on en oui, oui. Bah, voilà. En même temps, c'est parce que toi, t'es pas gay, mais tu serais tombé sur un couple hétéro, ça t'aurait pas choqué. Enfin, si, peut-être. J'aurais demandé s'il voulait bien partager. Voilà, c'est ce que je voulais dire, effectivement. Ça m'étonne pas. Mais quoi, alors, t'as d'autres histoires comme ça, croustillantes? Toi aussi, un jour, il a été dormir dans un hôtel, c'était le Banzai à Metz. Enfin, pas à Metz, de Metz. Il a aussi une belle histoire, tu me diras, Olivier, ça va peut-être ressembler à chez toi. C'est pas une belle histoire. Si, j'ai une belle histoire. Attends, musique de belle histoire. On a tous des belles histoires. Ah ouais, mais là. Mais pas au Banzai de Metz. Hein. Ah ouais, non, là, le Banzai, c'est pas vraiment à Metz, mais c'est pas loin en tout cas. Ouais, c'est à côté, c'est. Enfin bon, on s'en fout. Et donc. De toute façon, il faut pas y aller. Non, faut pas y aller. Donc en fait, tu vois les hôtels dans lesquels tu travailles, et ben c'est encore en dessous la catégorie. Voilà, c'est vraiment en dessous, en dessous. Hein. C'est l'hôtel moins un. Voilà. Si ça existe. Donc déjà en fait, il faut expliquer que une porte, c'est deux chambres. Hein, donc, ouais. Voilà que et donc le midi, tu dois être parti. C'est-à-dire voilà. C'est pas à midi tu vas rendre la chambre, c'est à midi tu dois être parti. Et donc à 11h30, il y a un mec qui rentre dans ta chambre, rien à foutre, et qui te fait ouais, faut se lever là, faut lui quitter la chambre. Et ça chlinguait, te rappelle. Moi je me suis sauvé. Dans les couloirs. Avec Polo, c'est barré, on était dormi ailleurs. Le mec, il se connaît pour un légionnaire ou quoi? Mais oui, mais c'est ça, attends, déjà le mec, il y a un mec qui rentre dans ma chambre pendant que je lance, je mets une patate. Ah, il est c'est. En plus, il était gros, il était gras, il suait, il puait la transe. Ah, si, c'était dégueulasse. Dégueulasse. Moi j'ai une autre histoire aussi. Un jour il y a un gars, bon bah c'est des gars qui travaillent sur les chantiers, tout ça. Il arrive avec son bahut dans la cour, enfin dans le parking, défoncé complètement. Je vois le bahut arriver. Nom de Dieu. Le mec il commence à cartonner 4-5 voitures. Il sort de son bahut et c'était la Saint-Michel. Et il sort avec une bouteille de whisky. Et il commence à dire comme ça, moi les Michel, je vous encule tous. Et il a bu un. Sa bouteille, mais je sais pas, 4-5 gorgées, le mec, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un. Non. Il a peut-être pas le radar de recul. Attends, il s'est mis à dégueuler par le nez. Et j'ai vu un 50 cm de morph qui sortait. Ah, et le mec, il est tombé raide, il est tombé dans un coma. Sans déconner, évidemment. Mais il est quand même pas mort, sur moi. Non, on a appelé les SAMU, mais il a eu un blâme avec son entreprise parce que. Sans déconner. Parce qu'il avait des problèmes de famille, enfin sa femme venait de se barrer, enfin tout. Mais non, mais d'accord, mais enfin bon. Il avait pris une pute. Il avait pris une cuite au lieu d'aller au chantier, ben, il avait pris une cuite dans les. Je crois qu'il avait acheté du Sky, enfin des trucs. Il a cartonné 4 bagnoles, je veux dire. Ah ouais, ça je me rappelle. Moi je croyais qu'il allait foncer dans l'entrée à un moment. Et j'étais là tout après, il y avait un gars qui fumait une clope avec moi, j'ai dit, t'es prêt à te casser là parce que regarde le raguignol. Et bam, on voit la première voiture, la deuxième, la troisième et la quatrième, et le fourgon s'est arrêté. Ouais. Oh le psycho, quel dingue. Truc de dingue. La nuit, c'est pas comme le jour, c'est clair. Ouais, il y a vraiment des mecs bizarres, je te confirme. Il y a du spectacle. Sans déconner. Tu m'étonnes. Bah merci Olivier en tout cas pour les petites anecdotes. Quand t'en as d'autres, tu nous rappelles, hein, t'es le bienvenu. Hein. Ouais, qu'est-ce que je voulais vous demander? Il est possible d'avoir une photo, j'ai pas d'ordinateur, mais il est possible d'avoir ça par la poste. Oui. Bah écoute, là on les a pas encore, mais on va déjà te filer un pack fun si tu veux par courrier, pas de problème. Ça, je veux bien, ouais. Bah écoute, pas de soucis Olivier, on va t'envoyer ça, je t'en passe chez Sandro au standard, d'accord? Ça marche, bon. Merci, et salut la famille. Et salut, merci hein, Olivier, hein, salut, à bientôt. Allez. Ciao. Ciao Olivier. Allez, on appelle maintenant le gagnant là pour les places de concert. Et puis on va appeler également le gagnant pour GTA 5. Allez, c'est parti. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va. Tu nous appelles pour aller voir Michael Moore en concert? Oui, tout à fait. Here we go. Deux places pour le concert de Michael Moore à Paris, tu vas avec la personne de ton choix, Jérémy, tu vas aller avec qui? Oh, je vais y aller avec ma copine. Ah, avec ta copine, bah voilà, plutôt bon esprit, effectivement. Bah écoute, très bon plan, ça c'est fait Jérémy. Tu vas aller voir à Paris, concert de Michael Moore, donc pas de soucis Jérémy. Bah c'est gentil, merci. Bah écoute, avec grand plaisir, tu reviens sur Fun quand tu veux, t'es le bienvenu hein. Ouais, bah, pas de soucis. Et bon concert hein. Ouais, bah, merci beaucoup. Bah je t'en prie. Merci à vous. Salut Jérémy, ciao. Salut. Allez, bye bye. Bon bah voilà, ça c'est une bonne chose de faite. On va appeler également gagnant. Le gagnant dans un instant de GTA 5. Et puis le top tweetos qu'on va faire maintenant là. Top tweetos. Alors numéro 5, lesquels? Là maintenant là? Non, bah alors j'appelle d'abord GTA 5. Alors. Je pensais que ce que j'étais en train de réfléchir. D'accord, Dave, j'appelle d'abord GTA 5. Alors c'est parti, on y va. On appelle maintenant celui ou celle qui a réussi à s'inscrire, à faire le petit follow là sur le Facebook, à faire le like sur la photo où il y a GTA 5. Ah. Et allô, bonjour, comment tu t'appelles? Andrea. Andrea? Oui. Mais t'es un garçon? Bah oui. Et tu t'appelles Andrea? Oui. Ok, allez, moi je ne discute pas, pas de problème, je ne discute pas, j'ai déjà plus de voix donc je vais pas me discuter. Il n'y a pas de problème. Bon, Andrea, tu t'étais inscrit pour avoir GTA 5? Ouais, exactement, ouais. Eh ben voilà. GTA 5, PS3 ou Xbox? PS3. Eh ben PS3, très bien, on va te filer ça sans problème. Andrea, voilà ça. Pas de problème Andrea, salut à toi. Merci beaucoup, ciao. Je t'en prie, à bientôt, ciao. Et pour les fans de GTA, là, restez bien à l'écoute de Fun, puisque dès dimanche, il va y avoir du lourd encore à base de GTA. Et il va y avoir du lourd aussi à base de petits téléphones portables. Voilà, j'en dis pas plus. Top tweetos, quels sont les meilleurs tweets que tu as eu, qu'on a eu ce soir? Quels sont les 5 premiers, les 5 meilleurs auditeurs de l'émission? Quoi, il y avait tant de monde que ça? Oh là là, ce soir ça a été la folie. Oh bah merde alors, ça arrive pas, c'est toujours cassé? Non, si, ça arrive, mais c'est juste qu'il faut le temps qu'il analyse quoi. Ah bah oui, mais il analyse, t'as à combien de pourcents là? Là on a presque fini. Ah bon bah très bien. Parce qu'ils ont changé l'interface donc j'ai plus les pourcents. Ah bon, et puis on aura le générique aussi dans un instant. En tout cas, je remercie tous ceux qui étaient connectés. Il y a Florian qui dit trop énorme l'émission, merci. Stéphanini qui dit Toff et Polo, ils vont déménager en Suède. Bah oui, je m'étonne. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Pierre qui dit si Mickaël devait avoir une place au Sénat, ce serait en tant que député de la Teuf. Oui. On peut voir ça comme ça. Bigoumi qui dit moi je prêterai. Attends, je suis prête à donner 1 million pour avoir Mickaël Ring pour moi une seule journée. Oh c'est gentil. Eh bah pour 1 million par contre, pas de problème quand tu veux Megumi. Attends, un message qui est arrivé aussi de. C'est quoi? Si l'un de mes sex friends tombe amoureux de moi, je zappe direct, je pense. Bon bah en tout cas merci à vous pour tous les messages ce soir. Je vais pas tous vous citer parce que là, je suis au bout de ma vie. Oh le pauvre. Mais j'ai plus de voix là. Comment t'expliquer que ça commence à venir très très dur? C'est déjà miraculeux que j'arrive encore à parler à 2h du matin. Bon, ça y est, le top tweetos là? Ouais, ça y est, c'est bon. Bon alors numéro 5. Alors Fullness Hope. Très bien, numéro 4. Alors 188M. C'est bien comme pseudo, ça c'est à nouveau, ça j'ai pas encore vu celui-là. Non, c'est la première fois, et c'est 100 SANS. Ah d'accord, ok, très bien, bah ça soit le bienvenu aussi, numéro 3. Comme hier, Storm Dreamer, ok, très bien, c'est bien parce qu'il s'est quand même donné du mal hein, pour être premier, finalement il reste troisième. Bah ouais. Écoute, c'est déjà bien, numéro 2. Et le malheureux de la soirée, c'est Dams Neutrik. Pourquoi le malheureux? Parce qu'il a été premier quasiment toute l'émission, mais non, malheureusement la dernière heure lui a été fatale. Let's be freaks. Putain encore, c'est dingue. Bah bravo elle encore. Hein. Bravo. Non mais c'est bien. Bon pour l'instant il y a qu'une seule fois où elle a foiré son truc. Hein. Ouais. Et c'était il y a deux semaines déjà, donc attention. Bon bah bravo les Zbifreaks, bravo à tout le monde en tout cas. Merci d'avoir été là ce soir au taquet comme d'habitude. Et bah générique de fin, attention. 3, 2, 1, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Je te laisse Polo hein. Comme toi. Toi l'enculé. Bon je vais essayer. T'es un enculé. Journée. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'était parfait. Ouais. Le plus important c'est de participer. C'est vrai. Disait Pierre de Coubertin qui a remis les Jeux Olympiques à la mode. Merci. Merci. Culturel. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Attention. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des merde, j'ai fini une connerie l'enculé. Là. Voilà. Tellement ah. Ça te fait enculer. Toi t'as un oncle, c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Ah, c'est pas Lilou ce soir? Oh non, c'était pas Lilou ce soir. Quoi, tu le voulais Lilou? Bah oui. Bon bah d'accord, ok, si tu veux, c'est parti. Suce ma bite. Merci voilà. Lilou. Et avant de partir, je voulais quand même terminer également par notre ami, celui qui nous a quand même fait notre soirée ce soir. Je tiens à le remercier quand même, il était tellement énorme. C'était ce petit auditeur, enfin c'est pas l'auditeur, hein, ce mec que nous avons appelé tout à l'heure. Eh bien viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi et tu vas voir un petit peu, je t'accroche derrière ma voiture. Et je te fais courir jusqu'à Fouriane. Tu vas avoir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Il était en pleine forme. Voilà, allez, on se retrouve dimanche soir à partir de 20h sur Fun Radio avec plein de cadeaux également. Bonne nuit, profitez bien du week-end. Merci. Et puis bah, bon courage demain si vous avez encore du taf ou des cours évidemment. Dimanche soir, 20h, on compte sur vous. Et puis tout le week-end, on se retrouve évidemment sur le Facebook, le Twitter et sur l'Instagram. Vous tapez MIKL officiel. No limit, MIKL. MIKL, no limit. No limit. Sur Fun Radio. Bon, et nous sommes évidemment là avec notre ami JB avant de partir. Hein. Le prince de la night, le comment, gosse de la night. Comment ça va? Ça va. Tu sais qu'on a parlé de toi hier à 6h avec Bruno. Encore? Mais parce que en fait, vous êtes son seul sujet de conversation. Oh le pauvre JB, vas-y JB. Non non mais t'avais fait une imitation hier de Bruno Il a pas du tout compris quoi. Ah bon? Non. Il m'a dit mais j'étais peut-être bourré une soirée avec lui Mais non mais c'est quand il rigole lui, là, et en général quand il rigole il a un rire particulier. Bon il a dit que c'était, je veux pas balancer mais que c'était la pire imitation Alors là c'est, ouais. Franchement c'est bien parce qu'on me retient. Sinon je serais là à 6h pour lui mettre une panace sur sa tronche. C'est bien parce qu'on me retient. Parce que je serai là, hein. Ouais, mais on me retient. Est-ce que t'as pas un peu peur? Non, je... Peut-être. Voilà. Peut-être rigole, que la peur me retient un peu. C'est enregistré, je le passerai à 6 Mais heures, il le fait aussi. Bien, il le fait bien, Bruno. Ah ouais, c'est vachement bien. Bah oui, quand il rigole. Mais t'as entendu, c'est parce que t'as une voix trop aiguë, toi. Regarde, essaie de faire. Hello. Hello. Oh putain, on dirait Terminator. Bon allez, j'arrête parce que sinon j'aurai plus de voix, j'en ai plus. On va mettre du son dance floor toute la night. Eh ben oui, on commence avec quoi? Parce que tous les jours tu me choisis toi qui me choisis le CD. Non, bah, comme tu veux, le CD, genre. C'est... Je mets le vinyle. Voilà, est-ce qu'on a la platine? Mets la bande. Allez JB, mets la bande. Non, ben bah, dis oui, William. Oh non, putain, non, j'ai mieux. Attends, bouge pas. Ah. Showtech. Non. Ah. Fédé Legrand. Non. Non, là, on l'a mis il n'y a pas longtemps, là, finalement. Ouais, attends. Ouais. Je l'avais promis tout à l'heure, on l'a pas mis, donc. Alors, attends une seconde, on va te le mettre maintenant, là. Boum. Voilà. D'accord, ok. Le son de Linkin Park, là, voilà. Avec ça, on va être bien. Hein, on va être bien avec ça. Ah, c'est génial. Bah, ouais, voilà, Linkin Park. C'est pas bien ce que tu fais. Tu mets Linkin Park comme ça. Ouais, Linkin Park avec. Linkin Park avec Steve Aoki, avec A Light That Never Come. Donc, si la programmation m'écoute, ce n'est pas moi, on m'a forcé, j'ai un flingue sous la tempe. C'est JB, c'est la faute à JB. Voilà, c'est mal. Et juste après, il y a Gilbert Montagnier, donc restez là. Parfait. Allez, Linkin Park et Steve Aoki, à dimanche, ciao. Now you don't know me. Lightning above and a fire below me. You